Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Debout, on est le 81 mars et on va commencer ce soir avec Léo et Lila, ou comment un père raconte à sa fille un mouvement comme celui de Nuit Debout. Bonsoir, bonsoir Léo, bonsoir Lila, c'est à vous. Merci beaucoup et je vais laisser le micro à Lila qui veut nous dire un petit mot. C'est juste que quand on a du temps libre, et bah les parents ils sont tout le temps à travailler. Et donc moi, je trouve que c'est dommage. Super, bravo. Merci beaucoup. Et je vais laisser le micro à Lila qui veut nous dire un petit mot. Bah, c'est juste que quand on a du temps libre, et bah les parents ils sont tout le temps à travailler. Et donc moi, je trouve que c'est dommage. Réveille-toi. Allez, réveille-toi. De quoi? Toi. Moi? Tu sais, tu t'appelles Alfred. Moi, je m'appelle Alfred. Ouais, Alfred Kinder. Kinder, ça, Kinder, c'est mon nom de famille. Ouais. Ok. Tu peux pas me trouver un autre nom plutôt? Bah non. Je m'ennuie. Mais attends, moi je m'appelle Alfred Kinder, mais du coup, je ressemble à quoi? Bah, t'es une petite vachette. Une petite vachette? Bah ouais, une petite qui ressemble, vachette. Et qui ressemble, je ressemble à quoi? À chaque fois, en plastique, on peut monter dessus. Ok, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas, je m'ennuie. On n'a qu'à jouer? Ouais, mais à quoi? Je sais pas. Bah, y a... Hey, regarde! T'as reçu une lettre? C'est quoi? Je sais pas, tiens, c'est pour toi, il faut l'ouvrir. Juste 5 secondes. Carrefour, si. Le 4 mai, il va y avoir un mot dans le coin. Ah, regarde, c'est une blague. En fait, ils ont mis dans le coin parce qu'il y a un canard. Bah ouais. Oh là là, c'est trop bien. Bah, lis-moi, j'ai envie de dire tout ça. Venez découvrir votre nouveau magasin Carrefour City. Vous allez en penser pour le choix et la qualité. Qu'est-ce qu'on va se mettre, Kinder? Je sais pas, mais est-ce que je pourrais venir avec toi? Ouais. C'est tellement émouvant. Produits du marché, solutions de repas bio, terroir, produits d'ailleurs, apéritifs, fraîcheur et bons conseils. C'est trop beau. Pour en profiter immédiatement de votre nouveau magasin, nous vous offrons 3 euros de réduction sur vos achats. On a réussi ça, nous, à la maison? Oui! Oh, quelle chance! Oh là là, je vais même pas les donner à papa, il est tellement nul. Oh, des 15 euros d'achat en plus! Regarde, il y a écrit quelque chose là. Pressez, régalez-vous! Vite fait, bien fait! Qu'est-ce qu'on va se mettre? Pour les petites fins, une large sélection de sandwichs, salades, des solutions de repas! Ah, oh, ça c'est bien, chérie! Prenez goût au bio, jetez-vous à l'eau! Un espace bio et aussi de produits diététiques sans gluten éco-planète. En plus, ils sont éco-planète. Oh, ils sont trop bons. Ouais. Marie-Pierre Desjardins. Ainsi que son équipe vous souhaite la bienvenue. On pourra y aller? Ouais. Oh là là. Il faut qu'on se prépare. Ah ouais, on va se mettre quoi? On a de la chance d'être invité à des choses comme ça quand même. Ah ouais. Oh là là, je suis trop excitée. Bon, si on jouait à ni oui ni non. Ni oui ni non? Bah ok. Ok. On fait un... Fais le jingle. Tant, tant, tant. Oui, non, ça commence. Alfred Kinder, moi. Ça commence. Mais elle est où, saucisse, la saucisse? Bah, je sais pas où est-ce qu'elle est, saucisse qui danse. C'est pas de ma faute, hein. Bon, est-ce que t'es déjà allé à République? Plusieurs fois, même que c'est super. Et qu'est-ce que t'as vu là-bas? Bah, des gens. Qui faisaient quoi? Bah, qui écoutaient, les gens qui parlaient. Ils parlaient de quoi? Bah, de la politique. La politique? Bah, ouais. Et c'est quoi la politique? Bah, la politique, bah, c'est quelque chose. C'est, il y a un président. Et puis... C'est que le président? Bah non, on n'est pas... Ah, oh, t'as perdu. Oh, mais... Bon, on change de jeu, on change de jeu. On joue à... À action ou vérité. D'accord. Qui c'est qui commence? Bah, tu commences. Action ou vérité? Vérité. Ok. Alors, ma première question pour toi, c'est... Comment tu fais pour être heureuse? Ah bah, ma technique, tu vois, c'est que vu que les parents ils sont énervants, et bah du coup je prends pas de parents et puis je m'amuse avec toi et je fais des choses comme faire des cocktails et puis aussi bah je vais à l'école et ça te rend heureuse? Bah ouais, quand je suis en récré. Je fais plein de trucs. Et comment tu pourrais faire pour être encore plus heureuse? Bah... Avoir un papa qui est gentil et qui est souvent là. Okay. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner? Par exemple, imagine moi j'arrive, je suis pas très heureux et tout, t'as des techniques? Bah, faut avoir des amis. Et si tu n'en as pas, bah tu te fais un ami imaginaire. Et voilà. Bon, ok, à mon tour. Action ou vérité? Action. Ok. Alors, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir nous faire? Tu vas nous faire une danse hawaïenne. Mais il faut la guitare hawaïenne avec, hein. 1, 2, 3. Voilà. Merci. Allez, action ou vérité pour toi? Vérité. Vérité. Alors, imagine un jour, t'es présidente de la République. Qu'est-ce que tu inventes comme loi? Que les gens aillent payer leurs impôts. Tu trouves que c'est bien de payer les impôts? Il faudrait que les gens payent leurs impôts? Bah ouais, déjà que c'est compliqué de payer les impôts alors, hein. Ok, bon, c'est-à-dire que toi, t'es président de la République, tu dis moi ma première loi c'est que les gens payent leurs impôts, mais il y a déjà des gens qui payent leurs impôts. Bah ouais, mais vu qu'il y a des gens qui les payent pas, alors que nous, c'est compliqué de payer les impôts. Toi, tu payes des impôts, toi? Bah non, mais mon papa, et ben chaque fois il fait « Oh, zut, ils m'ont demandé les impôts, mais comment je vais faire, oh zut !» Et puis, voilà. Après, le deuxième truc... je dis à ceux en Syrie qu'il faut arrêter de nous faire des trucs bizarres, parce que là, j'en ai marre. Ok, mais qu'est-ce que tu fais dans ce... ici? Ici? T'es présidente... Lila est présidente de la République. Ouais. Tu fais quoi d'autre? Pour que les choses aillent mieux, quoi. Oh, mais t'aurais pas pu me poser la question plus tôt, parce que là, pour l'instant, j'ai aucune idée. Réfléchis. Bah ouais, mais bon, j'aime pas réfléchir. Non, sérieux. Qu'il y ait plus de saucisses qui dansent. Bon, ok, à moi. Action ou vérité? Je choisis action. Ok, alors, tu vas me faire... Tu vas aller à... À Nuit Debout. Ouais. Et tu vas prendre la parole. En assemblée générale ? Ouais. Je vais dire quoi ? Est-ce que tu veux ? Ok, mais je peux pas le faire maintenant, donc je le ferai la prochaine fois. Tu le feras. Action ou vérité ? Vérité. Ah, alors j'ai une question. À ton avis, et tu peux prendre le temps de répondre, à quoi ça sert l'art, la culture ? S'il n'y aurait pas d'art et de culture, ça serait compliqué de... Je sais pas, ça serait compliqué de vivre. Pourquoi ? Bah, parce que s'il n'y a pas de culture, tout le monde ferait un peu n'importe quoi. Pas la culture, mais... tu parles de quelle culture, en fait ? Bah, la culture, il y a... Le cinéma, la musique, la poésie. Ouais, parce que sans le cinéma, la poésie et tout ça, ben on n'aurait rien à faire et la vie ça serait compliqué vu que tout le monde resterait chez soi et dirait oh la vie c'est trop triste et puis après on attendrait qu'il y ait un papa qui vienne et qui dise viens dormir chez moi. T'as de l'imagination. Mais un gentil papa. Hein, ah, attends, j'ai une autre question. Est-ce que t'es amoureuse de quelqu'un ? Mais je suis pas amoureuse. Pourquoi ? C'est bien, non ? Bah ouais, mais pas. T'as déjà été amoureuse ? Non. Ah si, de toi quand j'étais toute petite. T'étais ma petite vache. Et puis, je te faisais des bisous sur le... Bah c'est vrai, hein. J'avais 3 ans. C'est pour ça que je t'ai appelé Alfred Kinder. Est-ce que tu veux qu'on envoie là une poésie ? Bah ouais, mais à qui ? On l'envoie, c'est tout. Ok. Tiens. Ok. Je la lis. Ok. Elle ne connaissait pas la mer. Son père l'emmena la découvrir. Ils partirent vers le sud. Elle, la mère, au-delà des hautes dunes, attendait. Lorsque l'enfant et son père atteignirent enfin ces sommets de sable, après avoir beaucoup marché, la mer fut devant leurs yeux. Et son intensité et son éclat étaient tels que l'enfant resta muet de beauté. Et lorsqu'enfin elle put parler, tremblante et bégayant, elle demanda à son père. Aide-moi à regarder. Bon, ben. C'est quoi là ? Je sais pas. T'as une idée ? Ouais, je sais pas si tu vas bien vouloir, vu qu'on fait tout le temps ça. Tu sais, la dernière fois, on avait fait la télé, tu sais, la télévision, et on s'enregistrait. Mmh. Et on avait fait, je crois, cuisine de... Ah, on fait de la cuisine ? Ouais, on va faire de la cuisine magique, ça va être... On va faire de la cuisine magique ? Ouais. Oh oui, j'adore ça. Allez, on commence ? D'accord. Alors, attends. Bon. Oh là là, mais t'es nul quand même. Voilà, on dit que toi tu prépares la bouillie, la potion magique et moi je suis ton assistant, Alfred Kinder l'assistant. Ok. Bonjour, aujourd'hui on va faire un cocktail Zulutov. On va faire la version classique parce que celle avec les cheveux c'est trop compliqué, enfin c'est pas pour aujourd'hui. Le cocktail Molotov est une bombe très simple à faire. Et elle est la plus utilisée pour mettre le feu à quelque chose, à des écoles par exemple. Tu vas travailler avec des produits dangereux, Alfred. Je te suggère de mettre tes gants exprès pour te protéger. Alors Alfred Kinder, qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel ? Bah, je sais pas. Ok. Le matériel. Tu vas me chercher tout ce que je te demande. Hein, d'accord. Parce que, hein. Alors, une bouteille de bière. Fais attention. Attends, je vais la chercher. Parce que la dernière fois, je sais pas si je t'ai vu. Hein. 220 ml de combustible, alcool, gaz et kérosène. Quelque chose pour allumer. On met du linge, un bidet, dans le combustible. 80 ml d'huile. T'es sûr qu'on a de l'huile ? Attends, je vais la chercher, j'arrive. Ok. Bon, là, on va attendre Alfred parce que... On va attendre Alfred pour la fabrication. Ah, t'es là, Alfred. Voilà, ça y est. Alors, trempez le morceau de linge dans le combustible. Versez le combustible dans la bouteille. Rentrez le linge à moitié dans la bouteille. Attends, tu vas trop vite, j'ai pas le temps de tout faire. Oh là là, mais t'es nul, hein. Je recommence de la... Là, juste avant. Là. Alors, versez le combustible dans la bouteille. Voilà, attends. Ça y est, j'ai fait. Rentrez le linge à moitié dans la bouteille. Trouvez la victime, allumez et lancez le cocktail Zolotov. Alors, petite info, on peut aussi créer le cocktail Zolotov avec une mèche. Il suffit de faire un trou dans le bouchon, du styrofoam, dans le gaz, pour aider à faire cogner le cocktail sur les surfaces extrêmement difficiles et résistantes. Voilà, c'était tout pour cette fois, et maintenant, voilà. Au revoir, et vous étiez en direct de cuisine de victime. Voilà. Bon, on fait quoi maintenant ? On envoie une autre poésie. Oh là là. Voilà, cette fois-ci, c'est toi qui la lis. Un matin... Attends, il faut que tu dises le titre. La peur. Un matin, on nous offrit un cochon d'Inde. Il arriva à la maison, dans une espèce de cage. À midi, je lui ouvris la porte de sa prison. Je revins à la tombée de la nuit et je le trouvais comme si je l'avais laissé dans sa cage, collé au barreau, tremblant de peur devant la liberté. Très bien. Bon, bon. C'est quoi ? Je sais pas, tu veux faire quoi, toi ? Ah, attends, on va imaginer quelque chose. Ouais. Mesdames et messieurs. Je marche dans le noir, dans la pénombre. J'ai un masque sur la tête, je ne vois rien du tout. Je suis emmené par des gens qui m'ont kidnappé. Je ne sais absolument pas où je suis, visiblement, à ce que j'imagine. Arrêtez de parler, monsieur. Parce que j'imagine, je crois qu'on m'a mis dans un camion et j'ai compté le nom des rues et je crois qu'on est vers la forêt de Fontainebleau. Je sens beaucoup d'humidité. Je pense a priori être dans une grotte. On me pousse dans le dos. Ah, attendez. On enlève mon masque et je vois de la lumière. Une vingtaine d'enfants sont devant moi. Ils ont l'air très en colère. Quelqu'un s'approche de moi. C'est leur chef. Elle est petite, elle est blonde. Elle a l'air très menaçante et elle est très, très, très énervée. Bonjour, madame. Taisez-vous ! Aïe ! Mais qui êtes-vous ? Taisez-vous, c'est moi qui pose les questions. Je vous écoute. Parle pas si je t'ai pas demandé quelque chose. Qu'est-ce que tu fais ici ? Mais c'est vous qui m'avez amené. Vous êtes la chef du GRIF, le groupe révolutionnaire infantile et féroce ? Oui. Et qu'est-ce que tu nous veux ? Je sais pas, c'est vous qui m'avez amené ici. Qu'est-ce que j'ai fait ? On dirait que c'est un procès. Arrête de faire l'innocent. Tu vois très bien de quoi je parle. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux que tu nous dises pourquoi tu es si bizarre. Ouais, parce que toi, t'es un adulte. Et si t'es un adulte, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi si cette vie, elle est toute pourrie. T'es responsable, ainsi que tes parents et tes grands-parents, et tout le monde est responsable. Et tu vas payer. Mais Mais vous aussi, vous allez devenir des adultes plus tard. Ouais, mais nous, on change le cours des choses. Ouais, on est des enfants. On est armés. Pas... Ouais, on n'est pas des adultes tout pourris. Et tout le monde a peur de nous. Ouais. Et on fait des cocktails Molotov. Ouais. Ouais, nous, on fait des cocktails Zoulou, Zoulou-tof. Alors, nous allons tenir le procès des adultes. Pour ceci, nous allons lire une poésie. C'est la première pièce à conviction. Je t'avais dit qu'on ne lisait pas de poésie. C'est pas grave. Ouais, mais moi, je te le dis, il fallait pas en lire, alors t'es condamné. Alors... Première accusation. L'extorsion. L'insulte. La menace. Le coup sur la tête. La gifle. La raclée. Le fouet. La chambre noire. La douche glacée. Le jeûne obligatoire. La nourriture imposée. L'interdiction de sortir. L'interdiction de dire ce qu'on pense. L'interdiction de faire ce qu'on veut. Et l'humanité. L'humiliation publique. Tout ça sont quelques-unes des méthodes de pénitence et de torture traditionnelles de la vie familiale. Pour punir la désobéissance et rabaisser la personnalité. La tradition familiale perpétue une culture de terreur qui humilie la femme, apprend aux enfants à mentir et répand la peste de la peur. Les droits de l'homme devraient commencer à la maison. Qu'as-tu à répondre de ça? Ben non, c'est pas de ma faute, moi je suis pas responsable. J'ai fait comme mes parents en fait, alors je suis désolée, je sais que la vie elle est pas terrible, mais je fais quand même ce que je peux. Ah ouais, moi je suis juste journaliste, hein, voilà quoi. Alors, écoutez, vous avez raison de faire la révolution, mais si je pouvais rentrer chez moi, moi, je préfère. Arrête, monsieur bizarre. Non, mais en plus, il y a Koh-Lanta, là. Mais ce soir, il y a Koh-Lanta, je suis en train de rater Koh-Lanta, je suis dégoûté. Ouais, mais tu ne reverras plus jamais Koh-Lanta. Mais pourquoi parce que... Ah oui, parce que y a, ça va s'arrêter, parce que moi, sinon, j'aime bien Zoé Island, hein, parce que c'est pas mal, hein. Nous allons procéder, espèce d'adulte, à la sentence capitale. Il l'a traité d'adulte. Tu vas mourir dans d'horribles souffrances. Mais avant ça... Je vais regarder Koh-Lanta ? Non ! Avant ça... Nous allons te faire... cadeau d'un poème qui clôturera ce procès. Joue le jeu. Menace le travail encore plus. Ne sois pas le personnage principal. Cherche la confrontation. Mais n'aie pas d'intention. Évite les arrière-pensées. Ne tais rien. Sois doux et fort. Sois malin. Interviens et méprise la victoire. N'observe pas, n'examine pas, mais reste prêt pour les signes. Vigilant, sois ébranlable. Montre tes yeux, entraîne les autres dans ce qui est profond. Quoi, j'ai pas entendu moi. Montre tes yeux, entraîne les autres dans ce qui est profond. Prends soin de l'espace et considère chacun dans son image. Ne décide qu'enthousiasme. Qu'enthousiasme. Échoue avec tranquillité. Surtout, aie du temps et fais des détours. Laisse-toi distraire. Mets-toi, pour ainsi dire, en congé. Ne néglige la voix d'aucun arbre, d'aucune eau. Entre, tu as envie et accorde-toi le soleil. Oublie ta famille. Donne les forces aux inconnus. Penche-toi sur les détails, pars où il n'y a personne. Fous-toi du drame, du destin, dégaigne le malheur. Dégaine. Apaise le conflit de ton rire. Mets-toi dans tes couleurs, sois dans ton droit et que le bruit des feuilles devienne doux. Passe les villages, je te suis. Passe les villages. Passe par le village, je te suis. Merci, merci beaucoup. Merci Léo, merci Lila et merci Peter. Hein. Peter Handke, par les villages. Et merci Eduardo Galeano, le livre des étreintes. Voilà, c'était des très beaux textes et tu lis très bien. Et voilà, on a passé un petit moment avec vous. C'était une très jolie manière de pédagogique et ludique de raconter... comment on peut percevoir Nuit Debout, voilà. Et on est toujours à Radio Debout, on est toujours le 81 mars et on va partir pour un petit pique-nique à Jean Jaurès. Ça va, super. Parce que si on leur a dit de repartir... Dans les cartons, c'était conditionné et tout, donc je pense que c'est vraiment ce qui a marqué sur la bouteille. Bonne pêche et abricot et bio. Il y avait une belle solidarité au 9 rue Clavel il y a exactement une semaine et demie, donc je trouve ça vraiment bien qu'on soit là de nouveau et qu'on débriefe tous ensemble de ce qui s'est passé il y a une semaine et demie, qui est incroyable. Et bah là en gros il y a je dirais de quoi manger pour au moins 60 ou 80 personnes et on doit être à peu près bien une soixantaine de personnes. C'est distribué de la nourriture gratuitement. Il y a des gens principalement du quartier qui viennent. Donc ça a été organisé par le collectif de la Chapelle Debout qui est ici pour organiser ça. Il y a plein de voisins qui sont venus. Moi par exemple je suis venu avec du café. Voilà, je me suis dit que c'était j'habite juste à côté donc voilà, c'est un petit truc que je pouvais rapporter. Et pour l'instant, on est un peu à cheval sur la rue et en face du lycée, en fait. En face du lycée, vraiment, donc le lycée Jean Jaurès, qui a connu, ce qu'on sait tous, ce qui s'est passé il y a une semaine et demie, l'expulsion de plus de 300 personnes et de manière expéditive et, j'allais dire, également les citoyens qui étaient juste venus là en soutien. Quoi. Mais là, c'est beau. Ouais. Banderole est accrochée, 10e, 11e, 19e, 20e, quartier Debout, Belleville, Ménilmontant, contre la loi travail. Ça, c'est don, on peut le mettre en dessous. Les pommes et les fruits, on peut peut-être les mettre au dessert. Donc il y a à peu près une dizaine de jours que le lycée a été expulsé de ses habitants. Est-ce qu'on peut faire un point sur ce qu'ils sont devenus, en fait ? Tout le monde a été amené au commissariat et ils ont été, ils n'ont pas été mis en garde à vue, essentiellement grâce à un papier qu'on leur avait fait remplir avant de partir du lycée, et un papier sur lequel ils mettent leur nom, leur langue, le fait qu'ils demandent à un avocat, et on a donné des noms d'avocats à mettre dessus, et avoir un médecin, et donc tout ce à quoi ils ont droit. Donc ça a apparemment extrêmement énervé les forces de police. Et pour éviter que ce soit trop compliqué, ils ne les ont pas mis en garde à vue, mais ils les ont triés sur le volet de manière arbitraire, au dire même du responsable de la préfecture qui nous a parlé ensuite, devant le commissariat le jour même. Ils ont tranché un peu en disant, bon alors, qui a ses papiers, qui n'a pas ses papiers, qui fait une demande d'asile, qui ne fait pas une demande d'asile. Au résultat de quoi, ils ont envoyé tous ceux qui étaient demandeurs d'asile et qui pouvaient le prouver, ils les ont envoyés dans des hébergements, mais certains en centre d'hébergement d'urgence, certains dans des hébergements qui sont à 83 km de Paris, donc dans des conditions très variables. Mais là, par exemple, il y a 80 personnes qui sont en région parisienne, dans un hôtel, et là, ils viennent d'apprendre qu'ils ont encore 10 jours pour être dans cet hôtel. Ils sont 80, ils ont encore 10 jours dans cet hôtel, et ensuite, ils sont à la rue. Donc, la majorité des gens sont dans des logements temporaires. Ils ont uniquement un logement, mais ils n'ont pas de quoi manger. Ils n'ont évidemment pas d'accès à l'éducation, pas d'accès à un soutien, à un assistant social, pas d'accès à un soutien juridique. Donc, tout ce à quoi ils devraient avoir normalement droit. Et donc nous, on a suivi tous ceux qui avaient un numéro de téléphone dont on avait répertorié les noms, on les a contactés. On sait que beaucoup d'entre eux seront à la rue très vite. En plus de ça, la préfecture, pour faire un exemple, a décidé de distribuer des OQTF, des obligations de quitter le territoire français. Donc là, il y a 24 personnes qui ont eu un OQTF. Donc ils ont ce papier-là et donc il faut qu'ils fassent recours. Donc on les a mis en contact avec des avocats pour qu'ils fassent un recours. Ils ont un mois pour faire recours de cette obligation de quitter le territoire. Le responsable de la préfecture est allé les voir, leur parler directement pendant qu'ils étaient dans le commissariat en leur disant: un, si vous continuez à côtoyer des gens, les gens qui vous ont aidé à occuper le lycée, c'est des gens très dangereux qui sont contre l'État. Si vous continuez à les côtoyer, vous serez automatiquement refoulés du territoire. Et d'autre part, ne leur fais pas confiance et allez tout de suite au commissariat pour déposer vos empreintes et faites votre demande d'asile, sinon vous allez avoir des emmerdes, quoi. Et les gens à qui on a dit ça sont réellement, réellement effrayés. C'est-à-dire que quand on est allé les revoir en leur disant allez voir un avocat avant d'aller au commissariat, ils étaient hésitants parce qu'ils avaient peur de se retrouver en prison et d'être refoulés immédiatement. Dans Paris, il y a des gens qui ont été relâchés, il y en a une dizaine qui ont été relâchés des commissariats sans logement aucun. Donc eux, ils font partie maintenant de ceux qui peuplent les deux campements qui sont dans Paris actuellement, c'est un au Jardin d'Adéole et un sur le canal, et qui évidemment grossit de jour en jour parce qu'il y a énormément de nouveaux arrivants, il y a énormément de gens qui étaient dans des logements et qui sont maintenant se retrouvent à la rue, etc. Donc il y a eu une mini évacuation à Éole, mais depuis... et c'était il y a 3 jours ou 4 jours je crois, il y a maintenant 80 personnes à Éole. Il y a quelques-uns qui étaient au lycée qui se retrouvent là, mais de toute façon il y aura aussi tous les autres parce que le lycée ne comptait pas tout le monde. Il y avait 250 personnes et il y en avait 600 ou 800 sur le campement de Stalingrad en même temps. Donc lycée ou pas lycée, de toute façon il va y avoir des campements toujours dans des conditions absolument odieuses. C'est quand même une énorme mise en danger physique, médicale et psychologique des gens qui vivent dans ces campements là. Ils en ressortent réellement traumatisés. On avait l'habitude de voir les autorités attendre que les campements grossissent et soient vraiment un nombre conséquent pour faire du relogement. Et là, ils sont intervenus alors qu'il y avait, je crois, 50 à 60 personnes dans le Jardin d'Éole. Le soir même, il y avait des gens qui n'avaient pas été relogés, donc qui sont restés à Éole, et puis d'autres gens qui sont arrivés. Et voilà, c'était le pique-nique à Jean Jaurès. Merci Karim pour ce PAD. Et on va aller écouter un tout petit peu l'AG qui vient de commencer en fait sur la place de la République. Elle a mis un peu de temps à s'installer ce soir parce qu'il y avait des participants de Nuit Debout qui étaient partis devant le siège du MEDEF et qui ont commencé à faire une AG là-bas. Mais ils se sont installés et donc on va vous faire écouter un peu d'AG avant de retrouver notre plateau et de parler du Théâtre Forum. Donc un peu d'AG sur la place de la République. Poursuivre le dialogue, je sais pas. Avant que je donne la parole, vous savez qu'à la Nuit Debout, on a des signes pour communiquer en silence. Donc, Juliette va vous faire les signes à chaque fois que j'en dis un. Alors, quand on est dedans, on fait quoi? Voilà. Quand on dit tu rabotes, ça ne nous intéresse plus, avance-toi ton propos. Voilà. Quand on n'est pas d'accord, quand on n'est vraiment pas d'accord, mais on a une autre proposition. Merci, une opposition radicale. Ne me faillez pas. Propos sceptiques, validistes, homophobes, racistes. Voilà. Calmez-vous. Point technique. Réponse directe. Et je demande la parole. Voilà. Donc, maintenant que vous avez ces signes, faites-les. Si vous ne les faites pas, je serai intraitable. Je vous rappelle de vous s'asseoir pour que vous soyez plus confortable et pour que le son se diffuse très bien. Désolé, c'est la première fois que je m'autère. Et On va continuer les tours de parole. Alors, c'est notre tour de parole sur Radio Debout, toujours en direct de la place de la République. Nous recevons Andrea et moi, Cindy et Liès, qui sont co-directeurs de la compagnie de théâtre Forum La Mécanique de l'Instant. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord ce que c'est que le théâtre Forum et plus particulièrement la conception que vous avez de son rôle ? Oui, alors voilà, le théâtre Forum, c'est un théâtre interactif, on pourrait dire. Donc on joue une pièce et puis ensuite on invite les spectateurs à improviser sur les thèmes de la pièce, qui sont en général des thèmes de société ou des thèmes de prévention santé aussi. Voilà le principe, on va dire, général du théâtre Forum. C'est-à-dire qu'en fait, les spectateurs, une fois qu'ils ont vu la pièce qui présente des situations problématiques, peuvent en fait monter sur scène, prendre la place d'un des personnages et puis improviser pour essayer de chercher des solutions, des alternatives aux situations problématiques qui ont été présentées dans la pièce. Donc ça se répartit en deux temps, donc une pièce qui est écrite à l'avance, dont vous interprétez les personnages, et ensuite une partie improvisée. Exactement. Disons, on peut peut-être faire un petit topo sur ce qu'est le Théâtre Forum ou comment il est né en fait. Donc il est né dans les années 70, il a été créé par un homme qui s'appelle Augusto Boal, qui s'appelait, au Brésil, au moment de la dictature. C'était une forme, on va faire très très synthétique pour aller très vite. En gros, pour lui, c'était une manière de faire la révolution, de préparer la révolution, de pouvoir réfléchir et discuter de positions, d'actions à faire pour pouvoir lutter contre la dictature. C'était une forme vraiment de théâtre très très militant où il prenait des situations assez terribles et il demandait justement aux spectateurs de comment faire pour essayer de changer les choses, quelles peuvent être nos actions qui soient efficaces pour lutter contre cette dictature. Encore, je fais ça très très rapide. Et contre l'oppression en fait aussi de manière générale, parce qu'il pouvait travailler sur la dictature et l'oppression de l'état militaire, mais il pouvait aussi travailler sur des questions d'oppression même au sein du couple, voilà, pour la libération de la femme, enfin, et son théâtre ne s'appelait pas Théâtre Forum à l'origine, mais Théâtre de l'opprimé. Donc il y avait vraiment cette notion d'opprimé et d'oppresseur. Ce qui a été modifié quand ensuite il a dû partir du Brésil et il est parti en Europe. Et après, en Europe, il a continué des actions aussi de théâtre invisible. Enfin voilà, tout un tas d'actions justement pour faire réfléchir les gens, mais par le biais du théâtre. Donc quand il est arrivé en France, en fait, donc il a créé sa compagnie qui s'appelle encore le Théâtre de l'Opprimé. Il y a encore un théâtre qui porte ce nom-là. Et justement, il a constitué toute une compagnie. Ils ont recommencé à faire ce type de théâtre forum, mais forcément, c'était plus la même époque, c'était plus le même pays. Les thématiques étaient portées moins sur le fait de faire la révolution, mais parlaient à la base, effectivement, du monde du travail. Et puis, petit à petit, sont arrivées aussi les problématiques de santé publique, effectivement, les addictions, les maladies, ce genre de choses. Et donc, au fur et à mesure, cette compagnie a égrené après tout un tas d'enfants qui ont aussi continué à faire du théâtre forum, parfois en modifiant un petit peu les choses. Et alors notamment, nous on vient d'une branche où on s'est vraiment posé les questions de cette idée d'opprimé, d'oppresseur. Est-ce que ce sont des choses ambivalentes? Est-ce que c'est justement, est-ce que c'est pas ambivalent? Est-ce qu'il y a d'un côté un opprimé, d'un côté un oppresseur? Quand un parent refuse à un ado de sortir, est-ce que c'est le parent qui est l'oppresseur? Est-ce que c'est l'adolescent qui est l'opprimé, etc., etc. Et donc, au sein de notre compagnie, on a écrit tout un tas de pièces sur tout un tas de sujets différents. Donc, des pièces qui parlent du racisme, d'autres qui vont effectivement parler des addictions, d'autres de l'intergénération, par exemple. Et nous, à proprement parler, en fait, on était comédiens à l'origine au Théâtre de Jade, qui était dirigé par Laura de Cordry, qui, elle, a travaillé vraiment avec Augusto Boal en tant que comédienne et qui, après, effectivement, a imaginé sa forme aussi de théâtre forum à elle, la la manière de voir le théâtre forum et particulièrement d'écrire des textes de théâtre. Alors des textes qui ne font pas une heure et demie parce que justement on est dans un format où il faut qu'on soit aussi synthétique pour laisser la parole s'exprimer, mais des textes de théâtre et qui aussi a réfléchi sur des textes du répertoire classique français à reprendre aussi. Voilà, donc elle avait aussi cette envie et ce que nous avec Liès on a eu aussi envie de poursuivre, cette envie d'amener le théâtre aussi vraiment et l'art dans le théâtre forum. Parce que ça a aussi une importance, parce que c'est aussi un travail d'émotion et que la vie et la réflexion sur la vie et sur les problèmes sociétaux qu'on montre à voir à nos spectateurs, c'est aussi pourquoi à des moments on réagit de telle ou telle manière, pourquoi à un moment donné on peut être ou opprimé ou même dans la position d'un oppresseur, c'est aussi parce que d'un coup il y a du stress, il y a de l'émotion, il y a de la tristesse, il y a de la colère, et c'est de gérer en fait voilà, comment on est des êtres humains et c'est pas manichéen nos réactions. Du coup, aujourd'hui, les personnes qui font appel à vous, donc c'est auprès d'un public jeune. Donc c'est par exemple l'Éducation nationale qui vous sollicite. Principalement, on travaille, je dirais, 90% du temps avec des adolescents. On intervient dans les réseaux d'éducation, santé, citoyenneté. Très, très peu avec le milieu culturel, parce qu'en France, c'est très, très cloisonné. Et donc, comme on va jouer directement dans les établissements scolaires, parfois on intervient aussi parce qu'une collectivité locale, un département, une ville nous a demandé d'intervenir. Donc comme on ne joue pas vraiment dans des lieux théâtraux, on n'est pas rattaché au monde de la culture, ou plutôt la culture ne veut pas forcément trop s'approcher de ce type de théâtre. Mais nous, on revendique, donc, comme disait Cindy, vraiment l'aspect théâtral, c'est-à-dire qu'en fait, on joue la pièce de théâtre, et c'est aussi parce que donc, les spectateurs vont voir les émotions qui sont traversées, vont peut-être aussi eux-mêmes être touchés par ces émotions, qui vont se rendre compte que des questions qui paraissent évidentes, donc de santé publique. On sait qu'il faut mettre un préservatif, mais pourtant, parfois, on n'en met pas. On sait qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour pour être sur des sujets un peu plus légers, mais on ne le fait pas tout le temps. On sait qu'on peut boire un peu, mais avec modération, et puis parfois, on ne le fait pas. Enfin, voilà, c'est un peu ce genre de questions. On va parler des comportements, et sans jamais amener et marteler un message, on n'amène aucun message à part le fait peut-être qu'il faut discuter, dialoguer et que c'est dans l'échange qu'on peut éventuellement sortir parfois de l'ornière. Vous amenez le public à réfléchir et d'une certaine manière, quand il monte sur la scène pour incarner, enfin pour participer à des situations, pour incarner des personnages, vous diriez qu'ils prennent un petit peu une responsabilité de citoyen à ce moment-là ? Oui, tout à fait. On espère qu'ils prennent une position de citoyen. Enfin, nous, on axe vraiment le travail sur notre envie, notre désir du spectateur, c'est de l'émanciper, de l'autonomiser aussi dans sa pensée, dans sa réflexion, de conscientiser certaines problématiques. Et effectivement, ça s'adresse à des jeunes, beaucoup, parce qu'on fait en milieu scolaire, mais ça peut être aussi du tout public. C'est-à-dire que l'adulte peut encore être en capacité d'autonomisation, d'émancipation et donc de citoyenneté, parce que c'est un espace de parole, de débat, d'échange où on laisse toute parole s'exprimer au travers donc à la fois du débat, donc vraiment de la parole, mais aussi de l'improvisation, parce que l'improvisation à la fois un acte, mais c'est aussi une parole qu'on vient dire devant tout le monde en plus, et c'est un espace forum de débat vraiment comme ici à Nuit Debout, et c'est aussi pour ça qu'on est là ce soir et qu'on a déjà fait aussi des interventions avec Éducation Populaire Debout ici sur la place, parce que ça nous semble d'un coup un espace de libération nécessaire aujourd'hui de venir ici, de se dire qu'on se réapproprie l'espace public, mais on ne se réapproprie pas que l'espace public, on se réapproprie nous, notre citoyenneté, notre réflexion, notre pensée. Yes. Je suis tout à fait d'accord. Est-ce que, justement, par rapport... Est-ce que les enseignants ont des demandes spécifiques, par exemple, dernièrement, récemment, par rapport aux événements, l'actualité ? Est-ce que, par rapport à ce que vous proposez, ils ont des demandes spécifiques ? On peut peut-être dire un mot, justement, par rapport aux attentats, par rapport à Charlie Hebdo, et puis après, par rapport au 13 novembre. Nous, on a eu une réaction assez vive dans la compagnie, juste après les événements de Charlie Hebdo, On a toujours du mal à les nommer, en fait. C'est un attentat, un massacre. Enfin. Donc après les événements de Charlie Hebdo, on était traversé par plusieurs réactions, c'est-à-dire d'abord il y a eu le grand étonnement public des ados, des jeunes qui disaient « moi je ne suis pas Charlie ». Nous on a été étonnés de cet étonnement et puis on a aussi entendu des politiques, des éditorialistes dire qu'il fallait aller dans les cités, aller dans les écoles, parler en milieu carcéral, parler auprès des gens, auprès des jeunes, auprès des populations en difficulté, auprès des populations d'origine immigrée, etc., etc. Et que c'était un travail qui n'avait jamais été fait. Or, c'est un travail qu'on fait, nous, depuis des années dans notre compagnie. Moi, à titre personnel, j'ai commencé à faire ce type de théâtre en 1995. Donc ça fait plus de 20 ans maintenant que je fais ce type de travail. Et on était absolument surpris. On s'est vraiment rendu compte que finalement, tout le monde ne connaissait pas le Théâtre Forum, bien sûr, mais qu'on avait l'impression que jamais personne ne le faisait. Puis que soudain, il fallait leur donner la parole. Mais la parole, nous, on la leur donne, en fait. On la leur donne depuis des années, justement, comme le disait Cindy. On écoute toutes les paroles, c'est un espace, pas du tout un espace donc angélique où on pense que tout le monde a raison, mais vraiment un espace où tout le monde peut venir s'exprimer. Pour rester sur des sujets peut-être un peu moins polémiques, quand on vient parler du cannabis, s'il y a un adolescent qui veut monter sur scène pour reprendre un des personnages et dire « bah ouais, moi je fume et puis bon, il n'y a aucun problème », évidemment qu'on ne va pas lui interdire de venir, il va venir, il va faire son improvisation. Et puis les comédiens qui improvisent avec lui vont aussi un peu questionner c'est quoi la consommation, à partir de quand peut-être c'est trop, dans quelle situation problématique ça peut le porter. Oui, parce que c'est pas... Enfin, je reviens là précisément sur le « je ne suis pas Charlie », c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ce « je ne suis pas Charlie », en fait. Et vraiment d'écouter la parole... Enfin, c'est voilà, comme sur une consommation addictive de quelque chose, c'est quoi derrière? Et nous, on va essayer de creuser cette question. C'est un mal-être, c'est une colère, c'est une rage sur la société. Enfin, c'est qu'est-ce que cache vraiment ce « je ne suis pas Charlie » ou cette consommation de drogue ou voilà. On dirait, juste pour un petit peu compléter ce que tu viens de dire, Cindy, on a envie de lutter contre les slogans aussi, parce que souvent les slogans, c'est des choses qui sont martelées, sorties, c'est la culture Twitter, même si on aime beaucoup Twitter, mais où on a l'impression qu'il faut être absolument synthétique et total, juste en très très peu de mots. On essaie de limiter absolument la pensée et parfois, même sans partir dans des circonvolutions terribles, on peut réussir à démêler un peu une pelote qui a l'air très très très serrée. Et laisser s'exprimer les gens qui disent « je suis pas Charlie », les gens qui disent je pense que la femme doit rester à la maison », ceux qui disent je veux fumer du shit », etc. etc. C'est pas juste laisser la parole être comme ça, dite, amenée comme ça, comme un slogan, c'est qu'après, en fait, on prend cette parole-là, on voit ce qui se passe dans l'improvisation et on la renvoie aussi au public. Est-ce que le reste du public est d'accord? Oui. Non, alors pourquoi? Mais alors vous pensez que vous avez vu cette improvisation où effectivement ce spectateur pense que si l'enfant a mal fait, il faut lui filer une raclée, il l'a fait, on a vu ce qui s'est passé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, on n'est pas d'accord. Non, on est. Enfin, où est-ce qu'ensuite on va pouvoir aller? Où est-ce que la réflexion elle va pouvoir se diriger? On laisse jamais les choses en suspens. Sans que derrière, il n'y ait pas un retour de réflexion, pas un retour de jugement. C'est-à-dire qu'on ne va pas être là pour juger les choses. Évidemment, s'il y a des énormités ou des atrocités qui sont dites, là, bien sûr qu'on va se positionner. Mais sur des opinions, on va laisser l'opinion se dire et ensuite, on va la questionner, on va la renvoyer au public. C'est-à-dire que parfois, vous poussez en fait une situation jusqu'à sa limite pour voir quelle réaction ça provoque chez le public. Est-ce que... Au bout de sa logique, oui. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Tout à l'heure, on parlait des caprices de Marianne, par exemple, mais peut-être que vous en avez d'autres. Oui, on a donc on propose les caprices de Marianne de Musset, donc en faisant un théâtre forum, donc où derrière il y a du débat. Il y a effectivement Marianne, dire qui est là pour le coup l'opprimée, qui est sous le regard de tous les hommes qu'il y a autour d'elle et elle subit finalement leurs désirs. Et elle est mariée et on comprend qu'elle a quand même été mariée de force à cet homme, de par sa position sociale. Et il se trouve que par jalousie, il est violent envers vers elles. Et par moments, il y en a qui, effectivement, même des filles qui peuvent dire bah non, mais c'est son rôle d'être à la maison et il a raison d'agir de cette manière avec elle, ou des spectateurs masculins qui vont dire bah oui, il a raison. Et même, il n'est pas assez dur, donc il faudrait y aller encore plus. Et on peut leur proposer de venir faire ce geste plus violent. Et souvent, dans le travail de comédien, on dit, bon, bah voilà, dans cette situation-là, qu'est-ce qui va être intéressant pour le comédien face au spectateur ? Il peut rentrer en rébellion, qui serait évidemment la première chose qu'on aurait envie de faire. Mais on va plutôt d'abord travailler sur la soumission. Et jouer la soumission telle qu'elle apparaîtrait dans la vie sûrement, et aussi et ce qui permet aussi des fois que le spectateur agissant sur scène d'un coup se rende compte de ce qui est en train de se passer. Et souvent il peut y avoir dans le débriefing qu'on fait après, puisqu'on fait une improvisation, il y a un meneur de jeu ou une meneuse de jeu qui est là et qui ensuite va questionner, est-ce que tu as atteint ton objectif, qu'est-ce qui a été compliqué, pourquoi, comment. Et parfois dans ça, ça va, oui c'est vrai que bon, enfin voilà, il y a parfois des choses qui sortent aussi après ça. Et puis aussi, même si lui ne s'en rend pas compte, c'est l'effet du public, où d'un coup, ils vont voir de leurs yeux cette soumission. Et ils vont... Il y a un effet où les gens... Un effet miroir, où les gens vont sentir et vont se dire « Non, c'est pas possible. » Et ils vont trouver un autre moyen d'agir. Est-ce que vous ressentez que parmi les enseignants, par exemple, il y a ou une demande ou une censure, bien au contraire, des sujets qu'ils voudraient aborder, mais qui sont peut-être trop complexes et qui sont peut-être trop périlleux, et qui amènent une espèce de, du coup, de censure en fait naturelle. Oui, alors bon, on n'est pas assez dans l'éducation nationale pour savoir précisément les choses. On a l'impression de sentir en ce moment qu'effectivement le après Charlie et tous les questionnements autour de ça, et puis que semble-t-il ils aient quand même beaucoup de directives du gouvernement pour dire il faut faire comme ci, oui il faut faire comme ça, ils sont un peu perdus dans comment prendre en charge ces questions. Ils sont un peu isolés et seuls. Et peut-être une peur d'aller vers les questions franches de laïcité, de religion. Je ne sais pas de quoi il faut parler après ça. Vraiment, nous, on s'est posé la question. Est-ce qu'il faut écrire quelque chose sur la laïcité ? Est-ce que finalement, non, c'est plutôt sur la radicalisation ? Quel est le débat qui pourrait être intéressant, qui pourrait venir faire émerger les paroles, qu'elles soient entendues, et une fois que c'est dit, bah voilà, on peut travailler, on peut aller plus loin, quoi. Et ça, c'est un sujet, oui, on sent que ça peut être difficile à aborder. Est-ce que vous avez eu davantage de demandes, puisque justement le gouvernement et tout ça, tout le monde avait l'air de dire qu'il fallait bien évidemment intervenir auprès de la jeunesse. Est-ce que vous avez senti, vous, qu'après ces événements, par exemple, vous étiez beaucoup plus sollicité ? Pas spécialement, non. Non, pas spécialement. Ça fait partie de nos craintes et de ce qui nous avait, donc justement dans cet après Charlie, ce qui nous avait un peu effrayé, c'était que on allait partir sur des solutions toutes faites, c'est-à-dire il faut faire une intervention d'une demi-heure auprès des ados en leur montrant. Je sais pas moi, une photo d'un homme avec une barbe, une autre d'un homme avec un paquet de dynamite, enfin voilà, ce genre de choses sur du prêt-à-penser beaucoup. Ce qui est plus global, enfin même par rapport à ce qu'on essaie de défendre, et qui est en cohérence aussi avec notre venue ici, avec les questions qu'on se pose autour de la citoyenneté, autour de comment est-ce qu'on bâtit les êtres humains, c'est à nouveau qu'en ce moment, depuis plusieurs années maintenant, mais on a l'impression qu'on va traiter chaque problème petit à petit et jamais dans sa globalité. C'est-à-dire, il faut une petite rustine là-dessus, il faut une petite rustine sur l'alcool, il faut une petite rustine sur la citoyenneté, etc., etc. Et si c'est pour faire une pièce de théâtre où il faut venir dire il faut pas tuer les gens, c'est pas bien, la Kalachnikov c'est mal, ce genre de choses, on pense que c'est pas ça qui nous intéresse. Mais on a l'impression, en revanche, que beaucoup de gens auraient envie de cette petite pilule, quoi, de ce petit somnifère, de ce petit calmant qui pourrait les aider à aller mieux. Je dirais surtout qu'ils ont envie, je pense que la laïcité en France, c'est tellement un sujet quand même, c'est périlleux comme sujet en France, et on ne sait pas comment l'aborder, on ne sait pas comment en parler, et les religions, enfin, ça implique tout un tas de choses, et c'est ça qui est tabou aussi, enfin... Et j'ai plus l'impression qu'on attend, qu'on leur dise la laïcité c'est bien, hein, et il faut voilà, et juste de questionner, non, il faut qu'on entende qu'est-ce qui va pas dans notre laïcité, il faut se remettre en question, nous, c'est-à-dire aussi les adultes autour des jeunes, il faut avoir cette capacité de se remettre en question. Là, cette année, on a quand même un peu plus joué que les autres années, quand même, donc je ne sais pas si c'est lié à ce qui s'est passé ou pas. On a joué en particulier beaucoup plus une pièce qui s'appelle Un couteau court, qui a été écrite par Laurette Cordry et qui a déjà 20 ans d'existence, sur les discriminations, le racisme, la violence dans l'institution scolaire. Donc il y a aussi la vie de l'école. Le poids de l'histoire aussi. De l'histoire avec un grand H dans l'histoire de chacun. Avec les peuples qui ont connu la guerre et comment aujourd'hui voilà, ils grandissent avec ça dans un pays non en guerre. Enfin voilà, beaucoup de questions comme ça. Et cette pièce, justement, on l'a jouée dans l'éducation nationale. Et cette année en particulier, quand même, beaucoup plus que toutes les autres années, on a eu des réactions très virulentes de professeurs, notamment dans le public. Parce que dans la pièce, on montre deux professeurs et c'est vrai qu'elles sont, c'est assez caricatural et évidemment, nous on montre les problèmes, donc on ne montre pas des professeurs. C'est pas le cercle des poètes disparus. Et c'était un tabou. Ça, c'est un vrai tabou, quoi. Montrer aux élèves des professeurs défaillants, je mets des guillemets, on voit pas là, mais voilà. C'est impossible de questionner l'éducation nationale. Et voilà, je pense qu'ils sont un peu perdus, enfin, je ne sais pas ce qui se passe, mais on sent quelque chose en tout cas. Mais de la part des élèves, il y a une volonté de débattre. Ils sont toujours dans le débat. On n'a jamais de problème pour avoir des improvisations. On sent qu'ils ont envie de répondre aux questions, que généralement ils creusent les questions qu'on pose, ils voient beaucoup de choses. Et souvent, eux, ils nous renvoient des choses que les professeurs qui ont vu la pièce comme eux n'ont pas vu. Et les profs ne se rendent même pas compte de ce qu'ils ont vu dans la pièce. De ce que les jeunes, ont vu. Et surtout, hein, que ce soit bien clair, on fait pas d'angélisme. Hein. Tous les jeunes, tous les ados ne sont pas fabuleux. Toutes les banlieues ne sont pas merveilleuses, etc. Mais vraiment, notre expérience, l'expérience qu'on a, bien souvent, c'est que parfois, on crédite pas suffisamment le public, que ce soit les jeunes, mais d'ailleurs le public en général, on ne le crédite pas de suffisamment d'intelligence pour pouvoir entendre et comprendre les choses qu'on va jouer et qui ne sont pas du pré-digéré, du pré-mâché. Je fais juste une toute petite anecdote. Alors ça concerne encore les Caprices de Marianne. Il y a quelques années, 2-3 ans, on avait été jouer les Caprices de Marianne pour une classe de 4e à Corbeil-Essonnes, au collège des Tarterets. C'est un collège qui a une réputation très difficile, etc., etc. Donc on va jouer les Caprices de Marianne là-bas pour des classes de 4e. Juste avant de jouer, on a les profs qui arrivent, qui nous disent « Oh là là, vous allez leur jouer les Caprices de Marianne, mais ils vont rien comprendre. Oh là, puis en plus, là, ils sont vraiment, vraiment durs. Là. Oh là, puis alors les filles garçons, je ne vous raconte pas ce qui se passe. » Bref, voilà. Donc vraiment, en nous disant « Ah, puis alors vous avez la 4e C, c'est la pire. » On joue les Caprices de Marianne. Donc vraiment, on joue la pièce de Musset dans la langue de Musset. Comme disait Cindy, on a coupé peut-être quelques petites scènes, histoire qu'elles tiennent en une heure de temps. Évidemment, ils ont tout compris. Ils ont compris tous les enjeux. Ils ont compris la position de Marianne, la position des hommes autour d'elle, etc., etc. On a eu des impros qui étaient super, avec des ados de 4e qui parfois montaient sur scène en essayant de reprendre un peu les tournures de phrases de Musset, etc. Et on a eu une séance qui était géniale, au point que même à la fin de la séance, quand on était en train de remballer, il y a le principal adjoint qui est venu et qui nous a dit « Écoutez, j'ai pas pu assister à la pièce, mais j'ai des profs qui sont venus me voir dans mon bureau en me disant il s'est passé quelque chose de super avec tel et tel élève, donc je tenais à venir, vous dire merci, enfin, puis voilà, dire que on avait eu un super retour. » Et sur les Caprices de Marianne, c'est quand même ça qui est étonnant et Nous, on y croit, mais c'est que c'est pas la première fois. C'est à chaque fois qu'on fait du forum. Généralement, les spectateurs reprennent la langue de Musset, essayent de faire des tournures de phrases exceptionnelles sans qu'on leur ait dit qu'il fallait le faire. On ne vient pas en arrivant et puis on dit « Attention, on fait du Musset, donc les improvisations, il faut faire du Musset. » Et on sent un plaisir, mais un réel plaisir de rentrer dans la langue. Mais ils le font, voilà, il y a du plaisir là à le faire parce que, je ne sais pas, il n'y a pas de contraintes et qu'ils ont la capacité de le faire. Voilà. Et souvent, les équipes pédagogiques ou autour sont frileuses, se disent « Les caprices de Marianne, oh là là, c'est du classique, ça ne va pas prendre. » Et donc, on le joue très rarement. Et pourtant, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y aurait l'idée qu'il ne faut pas jouer Musset en banlieue, en quelque sorte. Que ça c'est va toi être qui le dis. Oui, mais c'est un peu ça. Que voilà, que ça va être plus compliqué. Quand on joue même vraiment très, très, très court. On joue aussi donc Antigone de Sophocle, où on pose un peu la question du rapport à la loi, de la loi sacrée, la loi de la cité, ce genre de choses. Autant vous dire qu'après Charlie Hebdo et après les attentats, Ça prend aussi une autre tournure par rapport peut-être aussi à ces questions de radicalisation. Mais toujours est-il qu'il y a quelques temps, on jouait Antigone pareil devant des ados. Et donc dans la position de Créon qui veut prendre des décisions, peut-être parfois de manière un peu arbitraire ou un peu rapide, on avait des ados qui nous renvoyaient, qui renvoyaient très bien l'ancien président de la République à sa place. Enfin, ils faisaient tout à fait des rapports avec ce qui pouvait se passer. Et on sentait une certaine conscience politique au sens large ou pas du terme, que les adolescents avaient tout à fait. Alors que peut-être que les profs autour se seraient dit que ça leur passait vraiment complètement au-dessus de la tête. Par ailleurs, que donc avec votre compagnie La Mécanique de l'Instant, vous travaillez aussi sur des travaux d'écriture, c'est ça ? Donc vous proposez des ateliers d'écriture aux jeunes qui participent, c'est ça ? Est-ce qu'il y a des travaux d'écriture ? Alors les travaux d'écriture, ils sont plutôt... Les ateliers qu'on va mener, ça va être dans le cadre d'une création plutôt. C'est-à-dire que quand on nous demande, donc on a un certain nombre de pièces dans notre répertoire, mais parfois il y a des commanditaires qui aimeraient vraiment qu'on écrive une pièce autour d'une thématique spécifique. Et dans ce cas-là, il va y avoir un temps d'écriture qui va se faire en plusieurs temps. Il va y avoir un temps d'enquête, par exemple. Et quand on le peut aussi, il va y avoir un temps d'atelier. Ça ne va pas être tant un atelier d'écriture où les participants vont écrire. En général, c'est Cindy et moi qui nous occupons d'écrire la pièce. Mais en revanche, dans ces ateliers, on va justement faire des improvisations à partir, parfois à partir des thèmes qui ont été dégagés pendant les enquêtes. Justement, j'ai vu que par rapport à un des thèmes qui était abordé, ça se passait, je crois, à Vitry, et que du coup, vous aviez fait une transposition en Chine pour parler des événements, mais qui, en fin de compte, prenaient place en France, dans une géographie bien précise, mais que pour contourner justement l'effet miroir, il avait fallu transposer l'histoire. Et ça, je trouvais ça intéressant de se dire qu'on ne pouvait pas, d'un seul coup, situer la vraie problématique là où elle prenait lieu, quoi. C'est exactement ce qui se passe avec, effectivement, avec Marianne ou avec Antigone. Et c'est aussi une technique de distanciation pour qu'on ne joue pas, comme tu le disais, vraiment en miroir des situations parfois un peu tendues, un peu problématiques. Mais voilà, dans une pièce, hop, ça va se passer en Chine. On a une pièce, par exemple, qui se passe dans une école chinoise, de cerf-volant, dans une Chine médiévale. Et c'est une pièce qui va parler de la loi du silence, du racket, aussi de la violence. On la joue pour des publics plus jeunes, c'est-à-dire CM1, CM2, 6e, 5e. Et le fait de transposer tout ça en Chine, voilà, ça permet de parler de manière plus détendue de ces sujets parfois difficiles avec les spectateurs. C'est une pièce qui a effectivement été écrite par Laurette Cordry, donc après là moi j'étais pas encore à l'époque où ça s'est passé, mais effectivement il y avait beaucoup on se nourrit des ateliers, mais effectivement qui sont pas forcément des ateliers d'écriture mais des ateliers avec qui on rencontre les gens et on explore une thématique et de par leurs idées on fait des scènes, on prend le matériau aussi pour que il y a une substance à la pièce. Voilà. Et alors, j'avais une dernière question avant qu'on se quitte. Vous intervenez également auprès de la police. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors on intervient auprès de la police dans le cadre de leur formation initiale. La police municipale. Municipale, la police municipale. Et en fait, donc, ils ont leur examen final, c'est des mises en situation ivresse sur la voie publique, pour des contraventions, enfin voilà, leur métier. Et on a une journée de préparation en amont avec eux. Donc nous, en tant que comédiens, on joue les contrevenants ou les victimes. L'idée avec eux, même si on ne fait pas forum à proprement parler, c'est dans notre rôle de comédien d'être attentif et à l'écoute de ce qu'ils vont nous renvoyer, parce que généralement ils ont leur référent professionnel et un référent relationnel aussi, et on va travailler, nous on va leur renvoyer par exemple même leur attitude non verbale, les gestes, la manière de regarder, la manière de s'exprimer. Et quand on joue l'agressivité ou la colère, ou on va pas, c'est pas gratuit, c'est-à-dire qu'on répond, c'est bien par notre jeu d'acteur qu'on va répondre à ce qu'ils nous renvoient pour leur pour pouvoir discuter ensuite après avec eux, puisqu'on a quand même un temps d'échange dans la journée de préparation à l'examen où on va pouvoir dire pourquoi on a réagi de telle et telle manière, et ça leur permet aussi d'avoir un recul sur leur pratique, et pour ceux qui ont envie d'avoir un recul aussi sur leur pratique. Et voilà, effectivement, la boucle est bouclée, c'est-à-dire qu'on a la chance d'intervenir auprès de publics totalement différents. On joue devant des détenus, on joue devant des adolescents de banlieue, mais aussi, enfin, de banlieue défavorisée, mais aussi de banlieue favorisée. On joue devant des adultes tout public, de parents. On joue en prison. Oui, on joue en prison devant des détenus, j'ai déjà dit, donc devant la police, ça peut être devant des aides-soignants, des infirmières, enfin tout un panel de publics où on a effectivement un regard sur la société qui est, je pense, assez large, et on se doit de nous être impliqués dans la société aussi. Parce que on est comédien, on se doit d'avoir ce professionnalisme-là, mais aussi dans le théâtre Forum, on est nourri par tout ce qui se passe, et ça va être à nous aussi de faire ce travail. C'est vrai que traverser, donc on intervient principalement en région parisienne, mais on va jouer aussi en province, donc on a une vision, on traverse beaucoup de milieux donc très différents, ça nous permet aussi de prendre un peu le pouls de la société, de voir un peu où elle se situe à notre niveau, hein, bien sûr, évidemment. Et c'est pour ça donc qu'on vous disait que quand les événements sont arrivés, quand Charlie Hebdo est arrivé, et puis les replis un peu communautaires dont on parle, qu'on parle vraiment de toutes les communautés, c'est-à-dire il ne s'agit pas des communautés nécessairement des communautés religieuses ou ethniques, mais on va aussi parler des communautés de profession, on parlait des professeurs, des enseignants, il peut s'agir de régions, de choses comme ça. On sent que face à l'inquiétude qui monte, il y a un repli sur soi, et on voit ça dans nos pièces où souvent il y a un personnage qui va avoir besoin d'aide, qui va avoir besoin qu'on trouve des solutions pour le sortir de la panade dans laquelle il s'est mis, et on sent que progressivement, avec les années, petit à petit, on a de plus en plus des réactions du type s'il s'est mis dans la merde, il s'est mis dans la merde tout seul, il va falloir qu'il se débrouille et qu'il se dépatouille tout seul. Les interventions qu'on mène aussi auprès des policiers, on sent que ces difficultés, ces inquiétudes, et on sent aussi un repli communautaire, une certaine peur comme ça qui arrive et qui est globale dans toute la société. Merci beaucoup Cindy Eliès, merci d'être venue de nous parler de la compagnie de Théâtre Forum, la mécanique de l'instant que vous co-dirigez. On va faire un petit tour à l'Assemblée Générale. On vous remercie. Merci à vous. Et ensuite, après l'Assemblée Générale, nous retrouverons ici le groupe Pétrole et ensuite Jean-Pierre Siméon. Allô ? Oui, je vous entends. De la banane. J'ai soif, je veux boire du lait coco. En direct de la place de la République à Paris, Radio Debout. actions de blocage qui sont menées, qui ont été durement réprimées. Si on ne bloque pas l'économie, on n'y arrivera pas. Il faut taper au portefeuille. Il faut bloquer l'économie. Voilà, le capitalisme, ils connaissent que ça. Ils entendent que ça. Combien ils perdent. Il faut bloquer avec les camarades, avec les dockers. Moi, j'étais avec les dockers du port du Havre qui bloquaient le port il n'y a pas longtemps, qui faisaient des feux avec des pneus, qui faisaient des feux, qui bloquaient les ports. Bloquons les ports, bloquons les raffineries. C'est comme ça qu'on va y arriver. De toute façon, les flics, ils ont manifesté le 18. Ils en ont marre de se faire traiter d'enculés, les pauvres. Eh, ils envoient des coups de flashball dans la gueule des mecs. À Nantes, le mec qui a perdu un œil et tout. Voilà, parce que... Non, mais attends. Dans les médias, ils nous donnent les chiffres. Ils nous donnent les chiffres qui volent. Il y a eu 300 flics de blessés. Mais combien de manifestants pacifiques ont été blessés dans les manifestations? Le 1er mai, on s'est fait gazer. Le 1er mai, j'ai jamais vu un 1er mai comme ça. Et tout ce qu'ils montraient sur BFM TV, sur LCI, les casseurs, la violence, et en relais, les élus du Front National. Sur les chaînes de télé, il y avait les élus du Front National qui avaient table ouverte pour débattre. C'est ça la vérité, c'est que le Parti Socialiste est complice du Front National. Le Parti Socialiste est un parti fasciste. Nous sommes dans une dictature. Tout à l'heure, le camarade, il a dit « nous sommes en démocratie ». Non, nous ne sommes plus en démocratie. Nous sommes dans une dictature. Je vous le dis, mes camarades, nous sommes dans une dictature. La répression du mouvement syndical, du mouvement ouvrier et du mouvement citoyen. Les camarades de Goodyear qui ont pris de la prison ferme. Pourquoi? Parce qu'ils ont séquestré leur patron, les pauvres. Mais la violence sociale. Et Air France. Et les camarades d'Air France qui ont arraché une chemise pour une chemise. Qui sont passés au tribunal, qu'on les a traînés au tribunal comme des délinquants. Est-ce que c'est normal? Non. Donc, c'est ce gouvernement dictatorial. Et en France, nous sommes dans une dictature. Et la violence d'État, la violence qui s'exerce, c'est une violence d'État, c'est une violence illégitime. Et la violence que nous pouvons exercer, mais pas forcément... La violence physique, mais la violence verbale, la violence d'être ici tous ensemble aujourd'hui, nous leur faisons violence. Parce qu'ils ne peuvent pas le supporter, ils ne peuvent pas supporter la contestation. Manuel Valls, un franquiste, un fils de franquiste, de voir aujourd'hui, tous ensemble, tout ce que nous sommes, il ne peut pas le supporter. Et continuons. Ne désarmons pas. Ne baissons pas les bras. Continuons. Et ouvriers, travailleurs, dans toutes les catégories, que ce soit dans le transport, que ce soit les chômeurs, que ce soit les précaires, les sans-abri, tout le monde, la convergence des luttes, il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Et ce gouvernement, faisons tomber ce gouvernement. Ne demandons pas le retrait de la loi El Khomri, comme l'a demandé la CGT, comme l'a demandé notre secrétaire général, Philippe Martinez, qui est venu s'exprimer ici sur la place de la République. La loi El Khomri, on s'en fout de la loi El Khomri, parce qu'avant, il y a eu la loi Rebsamen, il y a eu la loi Macron, et après la loi El Khomri, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Il y aura quoi? Travaillons pour la transformation sociale. La transformation sociale. Changeons de modèle de société. Parce qu'aujourd'hui, le modèle de société qu'on vit, il est issu du Conseil national de la Résistance de 1945. Ambroise Croizat, le seul ministre du Travail que nous avons eu en France, c'est Ambroise Croizat. C'était un ministre communiste et c'est lui qui a mis en place la sécurité sociale. et le programme du Conseil national de la résistance. Et c'est ça qu'ils n'ont jamais encaissé, la droite. Ils étaient tous collabos, ils descendaient tous de Vichy. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, c'est tous des fils de Vichy. Donc défendons le programme du Conseil national de la résistance. Ambroise Croizat, le seul vrai ministre du travail en France. Depuis lui, il n'y a jamais eu un ministre du travail en France. Merci. Bonjour, vous m'entendez? Bon, je parle au maximum fort. En fait, le camarade précédent a parlé de violence. C'est encore de violence que je vais vous parler au nom de quelqu'un d'autre, d'un jeune homme qui a été violenté dans les manifestations, mais aussi dans son corps et aussi dans son cœur, et qui de fait maintenant n'ose plus venir ici donner son texte. Donc c'est moi qui suis déléguée pour le faire, et j'espère, Jérémy, je ne sais pas où tu es, j'espère que tu es là et que tu m'entends. En tout cas, je lis ce texte pour toi et j'espère que tu en auras d'autres que tu pourras faire. Voilà. C'est relatif aux événements il y a une dizaine de jours, lorsqu'il y avait à peu près des migrants qui occupaient le lycée Jean Jaurès, qui était vide. Et il y a une bande de jeunes qui sont venus les soutenir lorsqu'ils ont été délogés par les CRS. Et Jérémy fait partie de ces jeunes-là. Il a passé la nuit avec les migrants et très tôt le matin, les CRS sont arrivés et voilà ce qu'il raconte. Bonsoir. Je voulais vous faire part de ce que j'ai vécu dans la nuit de mardi à mercredi. Je suis allée avec d'autres participants soutenir les migrants qui occupaient pacifiquement le lycée Jean Jaurès dans le 19e. La nuit avec eux s'est très bien passée. Ils étaient accueillants, mais vers 5h45, les premiers bus de CRS et gendarmerie mobile sont arrivés. Nous avons formé une chaîne humaine à 300 dans la rue pour les empêcher d'entrer dans le lycée. À 6h15, ils ont commencé à charger pour nous disperser. Ils étaient nombreux et l'attaque a été violente. Ils frappaient à hauteur de genoux avec leurs matraques et utilisaient leurs gaz lacrymaux autant qu'ils pouvaient. Je m'en suis pris 3. Nous étions là pacifiquement. Je dénonce cette violence policière. Ils n'avaient pas à faire ça. 3 jours après, je sens toujours la douleur au genou et au niveau des reins. Et le pire après ça, ça a été d'entendre le journaliste de NTL raconter n'importe quoi et tout déformer devant nous mercredi matin pendant son direct vers 7 heures. Aujourd'hui, je dors très mal. J'ai jamais vu une telle violence de la police envers des gens pacifiques. Surtout que je pensais qu'il y aurait au moins un dialogue avant d'entrer. Et là, même pas. Aujourd'hui, je continue mon combat envers la violence policière et je continue à venir sur Nuit Debout. Tous ensemble, soyons unis. Jérémy. Voilà. Bon, ben, Jérémy, c'était... Radio Debout, c'est pour vous. Écoute Radio Debout. Radio Debout, c'est pour vous. Écoute Radio Debout. Radio Debout, c'est pour vous. Écoute Radio Debout. Radio Debout, c'est pour vous. Écoute Radio Debout. Et de retour sur Radio Debout, en direct de la place de la République, on est avec Lancelot Hamelin du groupe Pétrole. Et Jean-Pierre Siméon va nous rejoindre par téléphone tout à l'heure. On va parler de l'écriture, puisqu'ils sont écrivains, c'est pratique, et de leur travail, de comment ils voient leur travail. Alors Lancelot, bonsoir. Lancelot Hamelin, du groupe Pétrole. Est-ce que tu peux un peu nous raconter la genèse de votre projet ? Vos envies. Oui, alors donc ce soir je suis la voix de Pétrole. Je vais essayer de représenter ce. Donc c'est pas tellement un collectif, c'est un auteur collectif, Pétrole. C'est-à-dire que nous écrivons à quatre. Voilà, donc on est anonyme, en même temps tout le monde connaît nos noms, donc c'est pas la peine de nous cacher plus. Il y a Michel Simoneau, Sylvain Levet et Philippe Malone. Et donc voilà, on est quatre et on essaye d'écrire. D'écrire les uns sur les autres, les uns dans les autres, les uns avec les autres, les uns contre les autres, et de fabriquer une cinquième voix, un cinquième auteur, donc à qui on a donné le nom d'une énergie fossile, un carburant et un vieux minéral. Le truc est né en 2005, on s'est retrouvé. C'est pas quelque chose de prémédité, on s'est pas dit on va faire un collectif, on s'est pas dit on va écrire à quatre. En fait, on s'est retrouvé dans une commande commune au TGP à Saint-Denis en 2004-2005. C'est Michel Simoneau qui nous avait commandé, donc à Levet, Malone et moi, un texte sur la ville. Et il y a eu les émeutes urbaines de 2005. Et là, on s'est tous retrouvés, tous les quatre. On savait plus comment écrire. C'est-à-dire qu'on voyait pas comment on pouvait écrire sur autre chose que sur ce qui se passait. En même temps, ce qui se passait, comment écrire sur ce qui se passait pendant que ça se passait. On n'arrivait pas à trouver une voie, à saisir l'événement individuellement, à se dire tiens, je vais écrire mon petit point de vue. Et puis on se disputait, on n'était pas d'accord, on cherchait à comprendre et tout le monde. Voilà, on était débordés comme tout le monde a été débordé à l'époque. Peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de gens. Enfin, nous, on faisait partie de ceux qui étaient débordés. Et du coup, on a commencé nos disputes, on a commencé à les traduire sur le papier en termes poétiques, dramaturgiques, c'est-à-dire que machin écrivait un texte et puis l'autre le reprenait et le disait bah là moi je vois pas ça comme ça, ou bah tiens ce mot me fait rebondir, ou cette expression fait penser à celle-là, et puis on rentrait dans le texte de l'autre et ça tournait, et à la fin on savait plus qui avait écrit quoi. On pensait que moi des fois je me suis dit tiens ça c'est bien mon style d'écrire ça, et il y a Sylvain Levet qui me dit bah non c'est moi qui l'ai écrit en écrivant comme toi, et puis moi des fois je me disais ah bah ça Malone il écrirait ça, je vais l'écrire parce qu'il fallait le sortir, voilà. Et donc ça, de ce travail là on a tiré un texte qui s'appelle L'extraordinaire tranquillité des choses, qui a été publié par Espace 34 et mis en scène par Michel Simoneau. Il y a eu une dramatique radio sur France Culture. Ça a été la naissance donc de notre envie d'écrire à quatre. Ensuite on a continué cette écriture fusionnelle, si on peut dire, et autour d'un personnage qui s'appelait K, le grand nom du XXe siècle, de Kafka à Buzzati, ou le grand nom mystère, quoi. C'est pas le X, c'est le K, et on avait rajouté un trademark, KTM, et pendant plusieurs années on a écrit en se donnant comme base 1500 signes, tu lances le texte avec un style, une forme, une idée, et puis derrière y en a un autre qui le reprend, et puis on a écrit des pages et des pages, on sait pas trop quoi en tirer de ce truc, mais ça a été un laboratoire, un lieu d'écriture ensemble, privé. C'était pas public, pas intime, non, mais privé. Et puis jusqu'au jour, en 2012, Pierre Banos, qui suivait un petit peu l'aventure, nous a commandé un texte pour un. Il avait le projet, enfin, il a publié un livre qui s'appelle Les mots du spectacle en politique. C'est en fait avec un collectif de sociologues, donc c'était aussi une recherche d'écriture collective. Pierre Banos et donc Johannes Landis et une troisième personne qui s'appelle Gaël Médon, ils ont commencé à repérer dans le langage politique de la campagne de 2012 chaque fois qu'il y avait une expression qui référait au théâtre, genre les acteurs, les marionnettes, la mise en scène, la manipulation, le coup de théâtre. Ils en ont fait une sorte de dictionnaire, quoi, hein. Donc ils voudraient renouveler ça l'an prochain aussi. Ils ont le projet de continuer le travail. Il faut que je... Okay. Tu me coupes quand faut embrayer. Donc voilà, dans ce livre, il nous a commandé un texte, Pierre, qu'on a écrit donc avec notre méthode Pétrole, et on a appelé ça Rome et Juliette. On a repris le discours de Sarkozy sur les Roms, sur le discours de Grenoble, et on en a fait une pièce de théâtre. Donc c'est publié chez Théâtral. Et du coup, votre deuxième texte sur K, est-ce que vous aviez aussi un rapport avec un événement, avec C'est-à-dire KTM, notre KTM, ouais, là, ouais. Bah, en fait, non, c'était plus de l'écriture, mais toujours en réaction au monde tel qu'on le... tel qu'on le ressent, tel qu'on l'éprouve. C'est-à-dire notre KTM, il était mutant, il avait pas deux sexes, mais tous les sexes. Il était peut-être né dans un Lebensborn. Et c'est-à-dire qu'il était ancré dans l'histoire et dans l'actualité. Et ça nous permettait des. Voilà, on partait sur. Il y en avait un qui écrivait un texte tout structuré autour du don, le pronom don. Et donc on allait loin là-dedans. Et qu'est-ce qui sortait? C'était assez au ras de l'inconscient, mais un inconscient nourri de l'époque. Et là, l'an dernier, Théâtral a publié un autre texte qui s'appelle Merry Go Round. Un premier texte. Donc une sorte d'acte de naissance vraiment de Pétrole. Et puis là, on travaille sur une biographie de Coltès, enfin un biopic, si on peut dire. On est parti de la mode du biopic et on s'est affronté à la biographie de Bernard-Marie Coltès, en détournant le biopic, bien sûr, parce qu'on n'a pas les outils dramaturgiques hollywoodiens. Je sais pas si on veut les avoir. En tout cas, voilà, c'est un sous-biopic, un anti-biopic, comme il y a un anti-Oedipe. Et puis, voilà... On écrit du théâtre comme ça, voilà. C'est un peu le parcours, voilà. D'accord, super. On va faire un intermède avec Jean-Pierre Siméon. On va parler plus de poésie. Et puis on va revenir, parce que je pense que c'est quand même lié à l'écriture en général, qui peut passer par le théâtre. Jean-Pierre écrit d'ailleurs aussi du théâtre, on verra. Et donc on va accueillir Jean-Pierre Siméon. On va passer à l'antenne, d'accord. Jean-Pierre arrive. Il a cours. Jean-Pierre a cours. Jean-Pierre est prêt. Jean-Pierre, es-tu là? Si, Jean-Pierre est là. Tout à fait. Ouais. Allô? Oui, je suis là, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Bonjour. C'est Charlotte? Oui, c'est Charlotte. Bonjour. Bonjour, Jean-Pierre Siméon. Alors, on est avec Lancelot Hamelin. On a parlé un peu du groupe Pétrole, leur écriture et de leur parti pris collectif. Mmh. Et donc, toi, tu es plutôt... Donc, tu es un auteur qui écrit seul. Tu as commencé par de la poésie, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux peu nous expliquer c'est quoi pour toi la poésie? C'est un mot qui peut paraître un petit peu parfois grossier ou un peu chiant. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton avis là-dessus, ton regard là-dessus? Non, mais il y a mille façons de penser et d'entendre la poésie. Enfin, je veux dire, des représentations sur la poésie, il y en a de multiples. Elles sont d'ailleurs très contradictoires. Ça peut être chiant, c'est le truc qu'on n'y comprend rien, ou c'est le type, c'est le truc gentil, c'est le bon sentiment, ou c'est quoi, l'élévation de l'âme. Enfin, on entend de tout, des vertes et des pas mûres. Toutes les conneries du monde sont dites sur la poésie. Moi, ce qui me retient depuis toujours dans la poésie et que je vis au théâtre, ou que je vis dans bien d'autres façons, dans ma passion pour tous les arts, en fait, ce qui me retient dans la poésie, c'est sa force insurrectionnelle. Je le dis comme ça, c'est pas parce que je parle à Radio Debout, c'est parce que je le crois depuis toujours. D'ailleurs, il y a 2 ans, quand j'ai donné un thème au Printemps des Poètes, c'était la poésie de l'insurrection. L'insurrection poétique, exactement. Voilà, j'avais d'ailleurs, à ce moment-là, défini la poésie dans un petit texte éditorial, disons, comme la parole debout, vous voyez. Et c'était il y a deux ans. Et oui, parce que la poésie, moi, c'est ça que j'ai entendu de très jeune, je crois. C'est que c'est une parole radicale, irréductible, franche, le lieu de la liberté absolue. Parce que tous les autres langages verbaux, même visuels, etc., sont gouvernés. Ils sont manipulés par d'abord l'injonction de la nécessité pratique, ensuite par les demandes socio-économiques, ensuite par les injonctions morales, idéologiques. Je crois que la poésie, dans toutes les communautés humaines, c'est le lieu préservé où la langue a tous les droits. Qu'est-ce que c'est que la poésie? C'est d'abord tenter tous les possibles de la langue, tous les rythmes, tous les effets de sens, etc., etc. Mmh. Donc, nous avons tous, dans une communauté, c'est pour ça que je parle politique ici, on a tous besoin dans une communauté humaine, n'est-ce pas, du poète qui fait entendre et qui propose à tous, n'est-ce pas, de s'emparer d'une langue indocile, insoumise, qui nous livre du monde la part perdue, la part toujours ignorée, parce que la part de la complexité, de la profondeur, de l'épaisseur du réel, la nuance, etc., etc. Nous sommes tellement tous attrapé par la séduction du concept, de l'idée claire, de la chose qui est immédiatement compréhensible, et qui définit, qui catégorise, etc. Ah, bien sûr, on a besoin aussi de logique et de raison, mais il faut absolument, en face de ça, pour pas que ça devienne totalitaire, l'objection du poème. Bon, c'est bien dit, ça. J'ai dit comme je le pense, en tout cas. Ouais. Et, d'ailleurs, tu as écrit un livre qui s'appelle « La poésie sauvera le monde ». Donc, oui. Peut-être que, en tout cas, tu y crois. Et dans ce livre, et pas que dans ce livre, d'ailleurs, dans la vie en général, tu proposes des choses collectives, en fait, la poésie comme... comme endroit collectif, c'est-à-dire pas qu'un endroit individuel qu'on lit dans sa chambre, qu'on entend comme ça tout seul. À quel endroit, oui, pour toi, possiblement, ça peut être aussi un parti pris voilà, collectif? Je crois d'abord qu'il faut... Pour moi, je pense que c'est... Je viens de le dire, la poésie doit être partagée par tous. Parce que c'est partager l'expérience, comme je l'ai dit, d'une vision du monde et d'une compréhension du monde, et même de compétences à comprendre le monde, imprévu, inattendu, qu'on a tous, mais qui s'abîme sans cesse. Donc là, c'est, pour moi, c'est un point de vue collectif. Et donc, c'est pour ça que je fais le Printemps des Poètes, pas pour passer le temps, pas pour faire joli-joli. C'est simplement parce que c'est un moyen pour moi d'affirmer cette idée, de proposer à tous, aux gens non prévus, en dehors des intellectuels, en dehors du monde du livre même, d'aller à tous les publics et de faire entendre la parole des poètes. Tout le monde peut entendre Mahmoud Darwish, Mayakovsky, Neruda, ou même Bonnefoy ou Prigent, enfin, tout le monde peut entendre ça. Et ça passe donc par la voix, par théâtre peut-être. Et ça passe d'abord par tout un tas de gens qui se mobilisent, qui sont des médiateurs, des passeurs. T'es mon éditeur dont tu parlais là, qui a publié Appétition allemande, ça s'appelle Le Passeur. J'ai pas fait exprès, mais je trouve que c'est très beau. On a besoin de ce genre de passeurs. D'ailleurs, Aragon le disait quand on parlait des surréalistes, hein, on est des passeurs d'un filtre d'absolu, je crois, des passeurs clandestins, un peu comme des dealers, n'est-ce pas? Et donc, on a besoin de ça. Mais moi, je crois que, et ça, c'est Charlotte quelque chose dont on a parlé, qui est importante, c'est que je crois, cet après-midi, je parlais aux jeunes étudiants de l'École nationale supérieure de théâtre à Lyon, hein, voilà, l'ENSAT, et je leur disais, mais il y a une destination du théâtre depuis toujours, c'est d'être le lieu où l'on entend cette langue impossible des poètes, la langue insoumise des poètes, ou ailleurs. Moi, j'essaie bien de me battre pour qu'on entende ailleurs, mais c'est quasiment impossible. Il y a évidemment une sorte d'omerta sur la poésie, parce que c'est une langue incongrue, parce que c'est une langue qui exige de la patience, de l'attention, et donc il faut absolument répéter que nous avons en France un réseau extraordinaire de théâtres, de lieux, des petits, des grands, des institutionnels, des alternatifs, peu importe, on a énormément de lieux. Est-ce qu'il y a des pays au monde où il y a autant de lieux pour faire entendre la parole des poètes? Non. Mais on en a, sauf que nous, on utilise aussi ces lieux pour autre chose que écouter la parole des poètes. Et souvent même, et j'ai beaucoup protesté là-dessus, et vous voyez que j'ai des points de vue affirmés et vindicatifs, j'ai dénoncé ces 30 dernières années, on va dire, l'éviction de la poésie des scènes de théâtre, ce qui est un contresens. Enfin, depuis toujours, c'est le lieu, depuis les Grecs, hein, c'est le lieu où l'on entend justement la reconsidération des choses que nous vivons tous et des destins collectifs et du destin individuel, la reconsidération dans ces langues et ces formes impossibles. Mais si la langue n'est plus là, si on n'est que devant des spectacles d'images, certes séduisants, certes faits avec talent, etc., on fait pas avancer le public, parce que de l'image, on en a partout, on en est garé, notre œil est saturé d'images. Ce qu'on perd aujourd'hui, c'est l'attention fine à la langue des poètes, à la langue incongrue. Alors la langue des poètes, on peut la trouver dans le meilleur de la littérature en prose, on peut la trouver dans le théâtre, on peut la trouver parfois dans la chanson, etc. D'accord ? Mais attention, moi je suis exigeant, j'appelle pas tout poésie. Il faut qu'il y ait une élaboration de la langue, il faut qu'il y ait un investissement dans le travail rythmique et de matériaux de la langue qui n'est pas donné à tout le monde, parce que au fond, tout le monde ne fait pas une poterie, ne répare pas une plomberie. Moi, je suis incapable de réparer une plomberie. Ceux qui le savent le faire, ils ont appris. Ben, c'est pareil pour la poésie. Et alors, juste une dernière question, pour ma part en tout cas, il y a des gens qui vont soutenir qu'il faut plutôt jouer, dire des poésies, etc., que de faire la grève, que de débattre. Qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est absurde. Il faut jamais opposer ça. Enfin, moi, de toute ma vie, j'étais un militant de tout, syndical, politique. J'ai fait les mille et mille manifs. Je vous assure, depuis l'âge de 15 ans, tout seul, je suis allé à une première manif. Donc, j'ai ça en moi. Et j'ai distribué des tracts, j'ai collé des affiches. Voilà. Maintenant, je continue le combat par la poésie, par la littérature, par l'art en général. Et je pense que il faut absolument que l'art et la poésie soient présentes partout dans les lieux où on cherche à inventer, où on débat, où on réfléchit sur du point de vue politique, j'entends, n'est-ce pas? Parce que Parce que même dans nos débats, quand ils sont politiques, purement politiques, par exemple, on échange des idées, etc., comme ça se fait beaucoup en ce moment, par bonheur, mais on a tendance à utiliser, malgré nous, une langue de stéréotypes et de clichés, et même de nos propres clichés, c'est-à-dire des concepts déjà mille fois entendus, qu'on remet plus en cause parce qu'on croit qu'on entend tout ce qu'il y a derrière, et du coup, on réagit par... comment vais-je dire, on pense par réflexe, on pense par idée toute faite, malgré tout. Et même dans des idées codées, parce qu'on dit à peine un mot, on sait tout ce que ça veut dire, on va pas plus loin. Et donc on a besoin, même le langage révolutionnaire, et ça les révolutionnaires espagnols ou chiliens ou grecs le savaient depuis longtemps, n'est-ce pas ? On a besoin de la parole des poètes au cœur de ça. Ouais. C'est pas seulement pour le lyrisme, hein, c'est pas pour, seulement pour la parole emportée, etc. C'est parce que c'est un diapason d'exigence dans la langue. Ça rappelle que, attention, la langue peut toujours être amenée à une langue de bois, même chez avec les meilleures intentions du monde. Et même donc dans la poésie, tu parles d'une poésie exigeante qui n'utilise pas des clichés, parce qu'il peut y avoir aussi, je sais pas, des tentatives de poésie qui sont de cet ordre-là. Oui, bien sûr. Et donc cette différence est importante, que tu dis d'une langue qui se renouvelle. Qui cherche, qui est soumise. Voilà, donc... Oui, tu m'entends, Charlotte? Oui, pardon. Mais c'est très bien, oui, j'ai entendu ça. Oui, bien sûr, mais il en est de la poésie comme de tous les arts, comme d'ailleurs de la rhétorique ou de tout fait humain. Il y a effectivement des échelles de valeur, moi je crois ça. J'ai beau être, je crois, un libertaire dans l'âme, il y a des échelles de valeur, c'est-à-dire on s'investit plus ou moins dans telle ou telle tâche. Ouais. Tout le monde n'est pas capable du même geste dans tel domaine, etc. Donc, pour la poésie, moi je crois, je ne suis pas démagogue, je pense que tout est possible, tous les tons sont possibles dans la poésie. On voit bien qu'il y a des recherches immenses, d'ailleurs c'est le prof de la poésie, d'aller dans tous les états de la langue. Il peut y avoir de la parole criée, de la parole jetée, de la parole murmurée, de la parole à lire dans le texte et qui demande de la de la méditation, de la contemplation, pourquoi pas, c'est pas anodin. Et puis donc il s'agit pas de dire c'est ça la poésie révolutionnaire ou qui subvertit les choses, ou je crois que c'est le principe poétique dans tous ces états qui est intéressant. Donc moi je crois que simplement tout ne se vaut pas, et que ce que je veux dire, tout ne se vaut pas dans la valeur. Toutes les intentions sont possibles dans la poésie. On a de la poésie, comme je l'ai dit, d'interpellation ou peut-être de réflexion intérieure, etc. Tout se vaut pour moi là, de ce point de vue-là. Ce qui ne se vaut pas, c'est que dans chacun de ces registres-là, voilà, on va dire dans chacun de ces registres poétiques, eh bien, on peut avoir une pratique très naïve, très maladroite, ou une pratique plus élaborée. C'est pas que la pratique élaborée et qui rend mieux compte de la recherche poétique soit réservée à telle ou telle élite, c'est pour ça qu'il faut se battre, n'est-ce pas ? Mais ça demande quand même un investissement. Ouais. Moi, je connais des gens qui viennent de mondes très différents et qui ont choisi un jour de travailler sur le matériau de la langue pour faire de la poésie ou d'écrire du théâtre, etc. Et évidemment, il faut essayer de faire en sorte que tout le monde, s'il le souhaite, ça c'est un autre débat, n'est-ce pas, et puisse avoir accès au travail poétique, à la forge de la langue, quoi, comme ça. Donc c'est bien qu'il y ait, comme ça se fait, des ateliers d'écriture, etc. Ce sont des phénomènes d'initiation qui sont essentiels quand même, non ? Et de partage. Mais moi je dis à tout le monde, à tous les jeunes poètes, et Dieu sait que j'en reçois, qui m'écrivent ou que, voilà, je dis, commencez par lire la poésie, par la poésie de tous les pays, de toutes les époques. Nourrissez-vous de tous les états de la langue tels qu'ils ont déjà été inventés. Et avec ça, vous inventerez votre voix à vous, dont on aura besoin. Ok. Bah, merci beaucoup, Jean-Pierre. Voilà. C'était très merci, intéressant de t'entendre. Et on va enchaîner. On va écouter une petite partie de l'AG. Et après, on revient. Et après, on revient avec Lancelot Hamelin. À tout de suite. C'est pour ces deux raisons, il faudrait qu'on réfléchisse là-dessus, si on veut ne pas se faire avoir. Voilà la proposition. Merci. Proposition suivante, et j'aimerais qu'on aide les propositions très brèves. Oui, moi, j'ai l'impression que ça serait opportun de parler de la journée de mobilisation, qu'est-ce qui s'est passé. Comment on voit la suite, comment faire avancer la mobilisation à partir d'un bilan aussi de la journée. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles de ce qui s'est passé au MEDEF? Qu'est-ce qui est prévu pour demain? Qu'est-ce qu'on préconise les uns et les autres? Enfin, il me semble que ça devrait être un peu un thème permanent à l'ordre du jour, et en tout cas ce soir. peut-être que on va, si vous voulez bon, si vous le voulez bien, on va peut-être faire un point. Mais Tef, après ce temps, on te tortre toujours. Entre les deux temps, entre le, l'ordre du jour et la discussion. Alors, moi, j'ai une proposition d'ordre du jour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais bientôt, il y a l'Euro 2016. Bon, ça, vous êtes au courant. Mais en fait, ils vont prendre toute la place de la République pour faire des ateliers foot. Vous êtes au courant de ça ? Donc en fait, ils vont nous bloquer la place, c'est-à-dire que là, bientôt, ici, c'est les ateliers foot pour tous les touristes et tout. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va dans une autre place ? Est-ce qu'on reste ici ? Voilà, ma question. Très bonne question. Pour l'ordre du jour, le gouvernement ne fait rien pour nous aider. Alors, l'ordre du jour, ce qui serait bien, c'est de pouvoir discuter, à l'occasion de pouvoir discuter de comment faire réagir le gouvernement. Et j'espère que le gouvernement réagira. Ce sujet m'intéresse beaucoup et j'aimerais beaucoup revenir à l'occasion à cette nuit debout qui est très intéressante pour pouvoir avoir encore une fois la parole parce que j'aime beaucoup. Et merci. Merci. Ouh, nuit debout. Ouh, nuit debout. Ouh, nuit debout. On va parler comment le gouvernement pourrait réagir. Et franchement, j'aime beaucoup cette idée de Nuit Debout. Elle est parfaite. Merci aux inventeurs de la Nuit Debout. Ça nous aide vraiment beaucoup. Dommage qu'il y ait des jours où on doit terminer plus tôt. Dommage qu'il y ait des jours où les casseurs arrivent. Mais c'est un peu compréhensible avec tout ce qu'on fait. Et dommage aussi qu'il y ait des gens en gang qui viennent se battre. Ça gâche vraiment, c'est... mais qu'à 25%, parce que cette nuit debout, même avec les casseurs, les gens qui se bagarrent, elle est déjà parfaite. Les ateliers, c'est super sympa, nourriture. J'ai vu infirmerie là. Pour les gens qui me regardent, j'espère vraiment, vraiment, vraiment que vous appréciez aussi ce projet de Nuit Debout. Après, vous pouvez vous réunir ailleurs, il y a d'autres places dans Paris. Et j'espère vraiment que j'aurai l'adresse, un de ces quatre. N'hésitez pas, je vous ai dit, allez sur mon Facebook pour m'informer des actualités Nuit Debout. Alors, mon Facebook, c'est André Birac. Birac, c'est B-I-R-A-C-H, voilà. Et donc ce sujet, j'espère qu'il vous plaît. Vous pouvez faire le petit signe comme ça avec les mains si ça vous plaît ce sujet. Ah, je vois qu'il y a beaucoup de propositions de gens qui aiment ce sujet. Sinon, on pourra aussi discuter où mettre la nuit debout. Parce que là, on est bien embêtés. Parce que l'atelier foot, j'aime bien le foot, c'est ma passion. Mais j'aime bien aussi parler comment changer le monde. C'est très important. Radio debout. Donc on retourne avec Lancelot Hamelin, donc du collectif Pétrole, qui eux font du théâtre. La parole du théâtre, est-ce que tu veux... Non, mais juste pour finir, oui, c'est vrai que par rapport à ce que disait Jean-Pierre, était absolument passionnant parce qu'il est vraiment dans la mécanique de la poésie dans le social, enfin avec son action militante en plus de son action poétique. Et c'est vrai que là, ce qu'on voit en fait, la nuit tombe sur la place de la République, on est entre chien et loup, il y a cet enfant qui parlait, il y a cette notion de nuit debout qui naît complètement de la poésie, il y a la parole debout dont parlait Jean-Pierre Siméon, et puis la nuit remue de Michaud. C'est quand même une sacrée leçon de politique auprès de nos politiques sur comment la poésie peut être active, activante. Et ça, c'est bouleversant. Après, en France, on a un gros problème, je pense, avec la poésie. C'est la question entre l'oralité et l'écrit et la captation de l'art par la bourgeoisie. Et il y a des peuples, il parlait du Chili, il parlait de la Grèce, où la poésie, où dans le monde arabe, où la poésie est vécue par les gens au quotidien, elle est pratiquée, elle est connue, elle est vécue dans la chair. Nous, en France, ça commence à la culture de la cour au XVIIe siècle. Enfin, il y aurait une histoire à faire de ça. Et la lutte que mène Siméon... est profonde et on en voit peut-être des répercussions indirectes dans cette manifestation politique qui dure depuis des semaines sous le nom de Nuit Debout. Et vous l'avez aussi dans le collectif Pétrole, en tout cas cette approche de la langue, même voilà, si vous l'avez dépersonnalisée. Oui, ce qui est... Tout à l'heure, vous avez un rapport à l'histoire par l'intime. Oui, effectivement, on fait du théâtre, donc la place de la poésie dans le théâtre, nous on est un peu modeste, on est un peu bâtard, on est un peu... on bricole. Ce qu'il y a de poétique dans notre démarche, c'est qu'on est quatre et notre voix nous échappe, d'accord ? Donc on met en action Le jeu est un autre de Rimbaud. Très, très modestement, on se force à ça avec notre collectif. Et c'est aussi politique d'écrire à quatre et de disparaître derrière l'écriture de la cinquième voix. Merci beaucoup. Eh ben, merci à toi. On va... enchaîner avec Sophie. On va enchaîner avec un petit PAD, un petit reportage qu'Antoine nous a envoyé sur l'AG qui s'est passé devant le MEDEF aujourd'hui. PAD. L'ordre du fou. L'AG spécial du jour, c'est Nuit Debout qui se délocalise. Je vais dire mes adieux. Assemblée. Je vais quitter mon rôle de modérateur, donc vous deviez être ravis vu que je suis un très mauvais modérateur, et je vous laisse la place à Juliette. Avant de donner la parole au monsieur, je vais juste faire un petit rappel. On a encore notre cher ami Jean de Mouloud qui circule avec une caisse, donc quand vous lui donnez de l'argent, en fait c'est pour lui et pas pour Nuit Debout, donc arrêtez de lui donner de l'argent, voilà. Bon, moi je suis un peu jaloux du petit là qui arrête pas de parler là. Moi ce que je voulais proposer, préciser comme hors du jour plutôt, parce que ça a été déjà dit, c'est de parler des actions à venir et aussi parler pour nous qu'est-ce que la démocratie et comment la définir. Voilà, c'est tout. Merci. J'aimerais... seulement qu'on réfléchisse sur l'avenir de Nuit Debout. C'est-à-dire, est-ce que ce mouvement doit rester un mouvement spontané qui se réunit, se disperse et qui, en fin de compte, s'évanouit avec le temps, que le gouvernement et les forces de police laissent pourrir, ou est-ce que ce mouvement doit se structurer, avoir un collectif, avoir des instances représentatives, contacter d'autres mouvements ailleurs, à Rennes, à Marseille, dans villes de Provence qui existent, et voir s'il peut aboutir aux propositions qui sont communes à chaque mouvement. Donc, je propose à réfléchir quel est le caractère, quel devrait être le caractère de ces mouvements. Par ailleurs, je vois qu'il y a des jeunes enfants qui se promènent avec les gobelets. Toujours sur Radio Debout, de temps en temps, sur Radio Debout, on fait des erreurs parce qu'on a une technique qui change un petit peu tous les jours. On a des câbles un peu partout, on a des câbles qui marchent, on a des câbles qui ne marchent pas, on a une table de mixage qui part absolument dans tous les sens. Et des fois, en pensant vous envoyer un PAD, un son, sur une espèce de... Qu'est-ce qu'on envoyait d'ailleurs? Je ne sais même pas. Sur le MEDEF, l'AG au MEDEF. C'était PAD d'Antoine sur le MEDEF, et ben on vous a envoyé l'AG. Donc maintenant, techniquement, si le bon bouton remarche, on va vous envoyer le son d'Antoine sur le MEDEF qui a été enregistré cet après-midi ou en début de soirée. En début de soirée, pardon. Je suis pas... Donc il y a beaucoup de manifestations différentes et ils se battent chacun pour leurs problèmes, hein, forcément. Et donc, en fait, moi, je travaille dans la finance. travaillant là-dedans, j'ai quelques informations qui me font dire et penser que la situation va faire qu'empirer. Désolé, hein. J'ai eu 2-3 informations. Bon, peut-être plus tard. Ouais. En tout cas, bon, voilà, j'ai quelques informations qui disent et me font penser que, même plus que penser, je sais que ça va vraiment s'empirer. Mais en fait, quand je vois que toutes les revendications et tout, moi, ce que je pense, et l'ordre du jour et le combat que devrait être Nuit Debout, à mon sens, hein, peut-être que j'ai tort, c'est avant tout sur l'idée qu'on se bat tous pour des revendications parce qu'il y a des problèmes. Et donc, pourquoi il y a des problèmes, à mon avis, c'est parce qu'il y a un vrai déni de démocratie. On appelle aujourd'hui notre système politique une démocratie, mais bon, pour moi, ce n'est pas du tout une démocratie, hein, au sens premier du terme, à la définition propre. Et donc, pour moi, l'ordre du jour, j'y arrive enfin, c'est est-ce qu'on ne devrait pas parler, réfléchir, provoquer des collectifs, essayer de se battre pour revoir tout simplement notre constitution. Constitution, pour ceux qui sachent, c'est le pouvoir, le contre-pouvoir au pouvoir actuel. En fait. Bon, alors, non, écoutez, on n'y arrive pas. On a essayé de lancer le PAD deux fois. Le son d'Antoine sur le MEDEF deux fois, il y a du sabotage quelque part sur cet ordinateur et sur cette table de mixage et on n'y arrive pas, le son ne veut pas partir, donc on est à chaque fois retombé sur l'AG, on est complètement désolé. On va accueillir Aurélien Lévesque avec nous, mais avant il y a une annonce à faire. La nuit nous appartient, premier forum de médiation nomade le jeudi, alors je dis ça parce qu'on me donne ça, hein, quelqu'un, peut-être que le monsieur veut le faire, le jeudi 2 juin 2016 de 19h à 22h30 à l'auditorium de Bondy. J'en sais pas plus, on va partir, voilà, sur notre prochaine rencontre. Aurélien Lévesque, oui, tu es réalisateur. Oui. Et nous, on te voit, tu vas nous raconter ça, depuis un mois, avec du matériel, parfois tout seul, parfois avec des gens, sur la place. Alors tu passes de commission en commission, tu viens nous voir de temps en temps à la radio, tu observes un peu l'AG, raconte-nous. Oui, alors tout à fait. Alors, d'une part, je suis régulièrement sur la place, d'autre part, je suis venu là aujourd'hui plus pour vous parler d'un projet que j'ai réalisé les années passées, sur un documentaire sur un mouvement citoyen qui s'appelle Terre de Liens. Et donc ce film qui s'appelle Changement de propriétaire essaye de montrer l'aventure citoyenne qui se déroule dans ce mouvement qui a pour but d'acheter des terres agricoles et des fermes pour installer des paysans grâce à de l'épargne citoyenne. Voilà, donc c'est un mouvement qui est national. Ils ont acheté une centaine de fermes en France. Et l'objectif, il y a à peu près 15 000 actionnaires qui ont chacun placé de l'argent avec des actions de 100 euros pour permettre d'acheter des terres agricoles. Parce qu'il faut savoir que les terres agricoles, le prix des terres agricoles augmente beaucoup de par l'urbanisation, de par aussi l'agrandissement des exploitations agricoles. Et donc, pour les primo-accédants, les gens qui sont hors cadre familial, qui ne sont pas issus du milieu agricole, l'accession à des terres à cultiver peut être très difficile au niveau financier. Donc voilà, la vocation de Terre de Liens, c'est d'acheter ces terres pour aider des jeunes à s'installer. Et parallèlement, vu que c'est de l'épargne citoyenne, c'est aussi de faire en sorte que la population devienne consciente et actrice dans cette problématique. Et justement, cette population, comment est-ce que vous la rencontrez? Comment est-ce que vous trouvez des gens qui participent à ce projet? Comment est-ce que ça se passe si quelqu'un veut participer? Il suffit d'aller sur le site de Terre de Liens et de prendre une action à Terre de Liens. Donc ça, c'est voilà, une action financière. Après, c'est un mouvement qui est assez complexe. Il y a des organisations, des outils financiers, en fait, une foncière qui achète des terres avec de l'épargne. D'autre part, une fondation reconnue d'utilité publique à qui on peut donner de l'argent directement pour acheter des terres. Et derrière tout ça, il y a surtout tout un tissu associatif avec une association par région et une association nationale qui fédère ces associations territoriales. Et je dirais que la force vive, c'est vraiment ce tissu associatif qui participe à Alternatiba, qui va sur des marchés, qui essaye de dire aux gens, d'alerter les gens sur ce problème-là et leur propose de devenir actionnaire de la foncière Terre de Liens ou de donner de l'argent à la fondation pour acheter des terres et installer des jeunes en agriculture biologique. Pour bien comprendre le principe, c'est que les gens n'achètent pas des terres. Les gens payent une association qui, elle, achète des terres et donc ne sont pas directement eux-mêmes propriétaires de la terre et ne peuvent pas décider à un moment d'exproprier les gens gens en se considérant comme propriétaires. Je... Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a un réel projet, enfin, la question est complexe, c'est un réel projet politique, donc c'est avant tout une adhésion à ce projet politique. L'idée, c'est évidemment pas d'exproprier les gens. Après, quand on place son argent à Terre de Liens, en fait, on a la structure qui est propriétaire et un peu particulière. C'est une société en commandite par action qui fait qu'en fait, les actionnaires n'ont pas le pouvoir. C'est la commandité, donc un autre outil de cette société qui a le pouvoir décisionnaire, et cette commandité est dirigée par l'association nationale. Je simplifie volontairement les détails techniques, mais c'est l'esprit général, de façon à ce qu'en fait, à travers cette interface capitaliste, c'est une société, la population se réapproprie la terre agricole. L'objectif, c'est vraiment faire de la terre un bien commun à travers une structure capitaliste. Et donc, en tout cas, le film qu'on a fait, Changement de propriétaire, donc il veut mettre le doigt un petit peu sur cette problématique-là. Comment est-ce que concrètement on fait pour faire de la terre un bien commun dans le monde dans lequel on est aujourd'hui ? Et c'est vrai qu'il y a une contradiction évidente, et c'est ça qu'on a voulu filmer, enfin une contradiction évidente. En tout cas, une vraie difficulté à mettre en œuvre, et c'est ça qu'on a essayé de montrer. Et j'imagine que dans ce film, vous avez un tas d'exemples concrets de réalisation, de ce que sont devenues ces terres, de comment est-ce qu'elles ont été travaillées, de qu'est-ce qui s'est implanté sur ces terres. Alors dans ce film, on s'est plutôt intéressé vraiment à une ferme en particulier en Aveyron, avec un jeune agriculteur qui s'installe dans le système Roquefort. Donc voilà, c'est une exploitation particulière, avec beaucoup de particularités. On s'est plus intéressé à cette situation-là. Mais d'autre part, nous, ce qui nous a vraiment intéressé, c'était vraiment de participer au débat de la vie démocratique de ce groupe-là, dans l'association nationale, dans cette foncière, voir un petit peu comment ça s'articulait la réflexion entre l'objectif un peu idéal qu'on a envie de se fixer, comment est-ce qu'on le met en œuvre, et comment est-ce que, et ça c'est tout à fait en relation avec ce qui se passe à Nuit Debout, comment est-ce qu'on fait pour fédérer, pour prendre une décision collectivement, pour arriver à se fixer des objectifs avec un objectif concret qui est de racheter les terres pour en faire un bien commun. Déjà bonjour, moi j'ai juste une petite question. Du coup, c'est un projet qui a l'air hyper intéressant, et moi j'ai une question, c'est est-ce que ça existe déjà à l'échelon international, ou est-ce que Terre de Liens a vocation à étendre éventuellement ce projet à l'international, puisque c'est quand même quelque chose qui concerne tous les pays du monde et pas uniquement la France? Alors en fait, oui, mais la question foncière est extrêmement différente d'un pays à l'autre, ne serait-ce que si jamais on prend la France et la Belgique, les problématiques sont complètement différentes. En France, les terres agricoles, le prix des terres agricoles augmente. Ceci dit, il y a des outils qui ont été mis en place comme la SAFER qui sont spécifiques à la France, qui ont permis que les terres agricoles restent dans des prix qui soient encadrés en tout cas. Voilà, ça n'a pas été complètement délirant comme dans d'autres pays ça a été le cas. Et puis après, si jamais on prend des cas comme l'Amérique du Sud, là on est vraiment dans une autre logique sociale, politique, complètement différente. Donc on ne peut pas dire qu'on peut réappliquer stricto sensu le même système d'un pays à l'autre, mais oui, effectivement, il y a vraiment une fédération avec un système en Europe qui s'appelle d'ailleurs Access to Land, qui fédère un petit peu toutes ces initiatives. Et puis après, il y a le mouvement des sans terres qui est aussi un peu lié à cette problématique-là. Et évidemment qu'il y a des rencontres politiques entre ces différents groupes, parce qu'il y a des intérêts communs, enfin une même vision en tout cas. Et quand tu parlais d'action, tu dis qu'il y a des gens qui prennent des actions pour ces terres, ça veut dire qu'il y a un bénéfice partagé? Enfin, c'est quoi cette notion d'action? C'est le mot qu'on connaît. Alors, c'est vrai que l'action, c'est un peu un gros mot, mais donc ça fait partie du truc un peu rigolo dans Terre de Liens, c'est qu'il y a, souvent des gros mots avec l'argent, avec l'action, etc. Alors, c'est des actions, on se place quand même dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, donc déjà, vraiment, c'est le cadre de travail de Terre de Liens. L'action, l'idée, c'est qu'elle est pas rémunérée, elle est réévaluée avec l'inflation. Par contre, quand on prend des actions, quand on fait un don à la fondation, on a des avantages fiscaux qui peuvent être intéressants pour les gens qui ont vraiment envie de faire un placement. Mais de toute façon, il faut bien dire que c'est pas un placement qui sera lucratif. L'idée, c'est vraiment c'est des actions citoyennes. Enfin, c'est l'idée que quand on place son argent là, on sait où il est, à quoi il sert, et que ça va être pour faire quelque chose de positif. Mais les gens placent leur argent dans l'association ou dans des... Ils peuvent choisir des projets particuliers. Ils peuvent être intéressés, par exemple, par tel type de ferme, tel type d'agriculture, tel type de produits et de production, où ils n'ont pas vraiment le choix. Ils adhèrent à l'association, ils adhèrent à Terre de Liens, et à partir de ce moment-là, ils, ils, ils, ils, ils n'ont pas le choix de ce que vous allez, enfin, de ce que l'association va décider d'aider. Alors, si, les actions en fait sont fléchées. Ça veut dire que quand on prend une action Inter de Liens, il y a trois cases. Hein. Soit on dédie son épargne à un projet, soit on dédie son épargne à une région, soit on dédie son épargne, on laisse l'association choisir. Après, de toute façon, c'est quand même un projet global et donc il faut bien avoir l'idée que quelque part, les fermes, ça reste le support d'une idée plus générale. Donc on sait, son argent, il est, je dirais théoriquement, fléché sur une ferme, mais de toute façon, il abonde une caisse commune dont l'idée, c'est quand même que tout l'argent, et donc par exemple, ce que je veux dire, c'est que vu que c'est des urbains qui vont beaucoup placer, ils peuvent pas, en Ile-de-France, c'est peut-être plus compliqué d'acheter des fermes, alors que dans la Drôme, en Midi-Pyrénées, y a peut-être moins d'argent disponible, et là, il y a besoin d'acheter des fermes. Enfin voilà, je prends des exemples peut-être un petit peu rapides, mais pour dire que ça reste quand même une idée générale où c'est une épargne qui reste nationale. Pour contrer un défaut qu'il pouvait y avoir sur des systèmes, parce que Terre de Liens ne vient pas de nulle part, il y a les GFA qui existaient avant, qui sont des épargnes très local. L'idée, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire, GFA ? Excusez-moi. Oui. Groupement foncier agricole. Vraiment, c'est, ça veut dire que là, c'est des gens qui se mettent en chambre pour acheter une ferme. Oui, d'accord. Si jamais il y en a qui se retirent, la ferme peut se retrouver vraiment en péril. L'idée, c'était vraiment de faire quelque chose de plus global pour sécuriser vraiment les terres, le foncier et permettre aux paysans de s'inscrire sur le très long terme. Et si, par exemple, je suis ouvrier agricole, je veux monter ma ferme, comment est-ce qu'il y a des exigences que vous demandez sur je sais pas, un projet sur le long terme, ça, tu dis c'est bio, mais d'où c'est... Alors la Terre de Liens a la particularité de signer des baux ruraux environnementaux. Ça veut dire qu'en plus du bail rural classique qui déjà est très spécifique, il y a des clauses environnementales qui sont imposées, qui sont négociées avec le fermier point par point, mais dont l'esprit général c'est de respecter la charte biologique. Donc il y a l'idée de respecter les sols, de revenir à du bon sens dans l'exploitation agricole. En fait, c'est juste ça l'idée, c'est vraiment remettre du bon sens là-dedans. Après, il y a aussi des contraintes économiques qui sont, mais ça c'est un petit peu partout dans le monde agricole, il faut quand même que l'exploitation soit viable, que ça soit estimé comme tel. Alors pour les agriculteurs qui demandent des aides de toute façon par la chambre agricole et d'autre part par Terre de Liens, parce que voilà, il faut quand même, il y a un loyer à payer, les fermiers sont locataires, il y a un loyer à payer qui va permettre de payer les impôts, qui va aussi permettre de maintenir le foncier, donc il y a toute une cohérence économique aussi à avoir en plus de faire cette démarche quand même foncièrement politique, et c'est surtout ça moi sur lequel j'ai envie d'insister, cette démarche politique de les fermiers vont pas devenir propriétaires et ils redonnent la terre à la population, enfin c'est cette idée là quand même, enfin foncièrement politiquement, et donc c'est quand même pas évident dans le monde agricole de rentrer dans cette démarche là et c'est voilà, pour moi c'est ça qui c'est surtout le premier objet en fait quand on veut devenir fermier de Terre de Liens, c'est être d'accord avec ce projet politique. Un peu plus, qu'est-ce que ça veut dire justement qu'ils n'aient pas leur terre, qu'est-ce que ça veut dire pour toi ça? Alors concrètement, alors bon là on rentre dans des choses un petit peu peut-être techniques, mais voilà le fait de ce qui se passe concrètement, c'est que souvent les propriétaires, les agriculteurs, quand ils partent à la retraite, ils revendent leur bien, souvent ils le revendent plus cher, voilà c'est ce qui fait cette mécanique de spéculation, mais c'est aussi ce qui va leur permettre d'avoir une retraite qui est toute petite chez les agriculteurs. Et donc être fermier Terre de Liens, ça veut dire qu'il faut rentrer dans une autre logique où on épargne toute sa vie pour avoir sa retraite, et on ne peut pas penser faire la pirouette au moment où on part à la retraite en vendant super bien ses terres à son voisin, etc. Donc c'est voilà, rentrer dans une autre logique économique par rapport à ça. Et moi je m'interroge sur les gens qui adhèrent à l'association et donc qui achètent des actions. Vous avez une espèce de sociologie de ces gens-là, vous savez qui c'est, vous savez quel type de gens, est-ce que c'est des gens, par exemple des citadins, est-ce que c'est des gens plus urbains qui à un moment décident de faire un retour au vert, qu'est-ce que c'est? Alors les actionnaires c'est vraiment très varié, hein. il y a beaucoup de, alors oui il y a beaucoup d'urbains, si jamais on parle en termes de capital, c'est voilà, il y a beaucoup d'épargne à la ville, et cette épargne, l'idée c'est que cette épargne de la ville revienne à la campagne. Ouais, donc c'est totalement différent des GFA. Des GFA, voilà. Des GFA, alors après, c'est pas totalement différent parce que malgré tout, il y a aussi tout un ancrage local. Oui. Et voilà, moi, consommateur dans un village, je vais vouloir placer mon épargne sur la ferme d'à côté pour pouvoir la sauver. Et donc il y a vraiment voilà, ces deux aspects-là qui sont forts. Et il y a un autre aspect aussi important, c'est que les entreprises peuvent aussi agir. L'idée c'est d'aussi rendre conscient le monde économique. Donc il y a des des entreprises qui placent à Terre de Liens et voilà, c'est qui place ou qui donne à la fondation. Donc voilà, il y a vraiment un spectre très large. L'idée, c'est d'avoir une base citoyenne, mais de laisser aussi très, très ouvert au monde économique. Bon, mais alors si, avec Charlotte et Jocelyn, tout à l'heure, nous, on va aller voir un coup après l'émission, on se décide, on dit, bon, on veut investir, comment on fait? Vous voulez? Bon, si on veut investir... Ah bah faut aller sur le site de Terre de Liens, on télécharge un bulletin de souscription. Voilà, très très précisément. On coche une case et puis on envoie un chèque avec. Mais voilà, et avant de devenir actionnaire, on peut devenir voilà, juste bénévole, c'est-à-dire faire de la veille foncière, ça veut dire regarder quand est-ce qu'il y a des terres qui s'en vont, participer au PLU, donc au plan locaux d'urbanisme dans sa ville. Enfin, il y a beaucoup d'actions intermédiaires. C'est vraiment, il y a vraiment une multiplicité de formes d'action à l'intérieur de Terre de Liens, de par cette multiplicité. De forme. On peut donner, on peut épargner, on peut agir en étant bénévole. Les actions sont multiples et voilà, concrètement, on prend des actions en allant sur le site en faisant un bulletin de souscription. Et donc toi Aurélien, le film que tu as fait par rapport à toute cette association? Alors nous, on s'est vraiment intéressé à l'aspect et démocratique et ce qui nous intéressait, c'était comment est-ce qu'on cette opposition relative entre faire de la terre un bien commun et devenir propriétaire, qui sont des choses qui peuvent s'opposer. Donc ce qui nous intéressait, c'était le processus démocratique et les questions aussi d'équilibre économique, de modèle économique. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un modèle économique qui peut s'inscrire dans la société dans laquelle on est, mais qui soit pas un modèle où on gagne de l'argent sur le travail, redistribution se passe différemment. Il y a aussi une deuxième question qui est fondamentale, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire sur le très long terme, sortir les terres définitivement de la spéculation, alors que l'épargne, eh ben, par définition, elle est liquide. Donc voilà, il y a tout ce problème économique que là, voilà, j'essaye de synthétiser. Comment est-ce qu'on peut se projeter là-dedans? Quel problème ça pose? Comment est-ce qu'on fait pour repenser, ne plus penser en termes de propriété et en termes de revente? En fait, c'est dans le système capitaliste tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça pose un nombre de problèmes infinis en termes de comptabilité, d'amortissement, etc., etc. Et donc, c'est toutes ces questions-là qui se posent un petit peu au quotidien et qui sont vraiment le cœur de la machinerie pour arriver à cet objectif de sortir les terres de la spéculation. Et on peut le voir où, ce film? Alors on organise des projections souvent voilà, dans des cinémas, dans différentes villes en France. Il y a un site donc changementdepropriétaire.com qui recense ces lieux de projection et on a su éditer un DVD qui est disponible en librairie et qui est aussi disponible sur le site et qui voilà, où il y a le film et aussi un petit livre qui explique toutes ces problématiques foncières et cette expérience qu'on a eue qui est vraiment une expérience fascinante où on a rencontré c'est aussi ça la chose. C'est vraiment, on a rencontré des gens fascinants, étonnants, avec une vision de la propriété, de la société, voilà, souvent très touchante. Et c'est surtout ça aussi qu'on a voulu faire partager. Et tu disais qu'on te voit filmer souvent ici. Qu'est-ce que c'est ton projet ici? Alors ici, j'accompagne quelqu'un. Moi, je suis plus vraiment technicien sur ce projet-là. Il y avait Nuit Debout qui émergeait avec Mariana Otero. Elle m'a demandé qu'on l'accompagne, qu'on fasse quelques images pour essayer de suivre ce qui se passait ici en particulier sur la démocratie, la construction, le travail que ça représentait et comment est-ce que se pouvait se construire une pensée collective. Et donc voilà, pour moi c'était assez logique, ça correspondait tout à fait, je retrouve énormément de problématiques ici que j'ai rencontrées pendant ces années de tournage dans Terre de Liens, arriver à faire émerger une idée, à construire une action dans un collectif et dans une idée de démocratie, d'éducation populaire, c'était assez logique, quoi. Et votre film que vous faites ici, on le verra où? Alors pour l'instant, j'ai dit on filme, hein, mais on ne sait pas encore s'il y aura un film, comment il sera, ce que ça va donner. On était parti avec l'idée de faire des petites vidéos. C'est vrai qu'au bout d'un certain temps là, qu'on tourne, on se rend compte qu'il y a peut-être autre chose à faire, mais on n'en est pas du tout là. On vit le mouvement en même temps qu'on tourne et donc le film se construit avec ce qui se passe sur la place. Eh ben merci en tout cas d'être venu nous faire partager toutes ces expériences. Avec plaisir, merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Et puis on va... Étant donné qu'il paraîtrait qu'on n'aurait plus de problème avec l'ordinateur, on va pouvoir essayer d'envoyer le son d'Antoine avec... Alors là, c'est un autre projet, c'est le projet MEDEF. Hein, c'était c'est peut-être un peu moins solidaire comme économie. Mais si on arrive à écouter ce son-là, ce serait un demi-miracle. On y va. Radio Debout. L'AG spécial du jour. C'est Nuit Debout qui se délocalise devant le MEDEF. avenue Bosquet, dans le 7e arrondissement. Radio Debout. Geneviève Azam, militante écolo et altermondialiste. Alors, Geneviève Azam, ça va changer quoi la séparation du MEDEF et de l'État ? Eh bien, si nous arrivions à séparer le MEDEF et l'État, peut-être pourrions-nous reparler politique, c'est-à-dire se poser les problèmes de la société, et non pas d'une minorité de la société, de la société dans son ensemble. Nous pourrions rediscuter collectivement, démocratiquement, du travail, par exemple. C'est un enjeu absolument essentiel, puisque c'est la vie des personnes. Nous pourrions rediscuter de beaucoup de choses qui, aujourd'hui, sont totalement parasitées par des intérêts privés. On pourrait reparler de l'intérêt commun, de l'intérêt général. Voilà ce qui serait ouvert par une séparation du MEDEF et de l'État. Aujourd'hui, les responsables politiques dépendent de fait d'une parole ou répercutent une parole qui n'est plus une parole politique, qui est une parole privée, une parole qui est celle d'intérêts privés. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui la loi travail ? C'est la compétitivité des entreprises. Que faut-il pour que les entreprises soient compétitives ? Nous dit le MEDEF. Il faut pouvoir licencier plus facilement, pour pouvoir réembaucher, il faut abaisser le coût du travail. Ceci doit être débattu dans la société. Parce que nous avons tendance à penser qu'aujourd'hui, c'est le coût du capital qui pose réellement un problème par rapport à l'investissement. Le capital nous coûte très cher. Et elle date de quand, cette liaison si forte entre MEDEF et État ? Elle s'est accélérée depuis une trentaine d'années, depuis, disons, toute la pensée néolibérale qui a consisté à dire que, finalement, le meilleur gouvernement, c'est le marché. Et dès lors qu'on dit que le meilleur gouvernement, c'est le marché, ce sont les acteurs du marché qui sont censés gouverner, et donc le MEDEF, les entreprises transnationales, les fonds financiers, puisque le meilleur gouvernement, c'est le marché. Tout ce qui est de l'ordre de la contrainte politique, de la réglementation, des normes sociales, des normes écologiques, est un frein à la compétitivité des entreprises, et donc on doit les supprimer. Donc là, je pense que c'est oui, on peut dire depuis une trentaine d'années, il y a une accélération très forte de la fusion entre eux. Alors, ce n'est pas seulement le MEDEF, ce sont les entreprises transnationales qui ont colonisé les États. Et oui, vous êtes sur Radio Debout, en direct de République, avec Bastien. On va faire une petite interview historique. Historique, et oui, grand historique. Comme on est en train, je l'espère, de marquer l'histoire avec ce mouvement Nuit Debout qui se passe tous les jours depuis un mois et demi sur la place de la République, qui réunit de nombreux citoyens pour le débat, essayer de trouver des solutions à toutes ces problématiques qui entourent notre société au quotidien. Et tout de suite, autour de la table de Radio Debout, on retrouve Quentin de Willermoz. Quentin, bonsoir. Même salut, on va dire. Salut. On va s'outrepasser de ces bons accommodements. Quentin, tu es maître de conférences en histoire à l'Université de Paris 13, chercheur au laboratoire Pléiade, ainsi que chercheur au Centre de recherche historique. C'est ça. Peut-être tu peux nous parler un peu plus de ce que c'est que tout ça concrètement, le quotidien. C'est-à-dire mon travail au quotidien. Par exemple, bah, je suis enseignant-chercheur, c'est-à-dire que une partie de mon travail consiste à enseigner de l'histoire et l'autre partie à la produire, c'est-à-dire à faire des recherches en archives, à rédiger des articles, des ouvrages, et puis après à l'enseigner dans mes cours. D'accord. Et ce soir, avec Seb, vous souhaitiez aborder la problématique ou la question de la commune. Eh bien, fallait pas le dire, parce que normalement, c'était un blind test pour la musique avant. Donc, est-ce que tu peux nous identifier de quoi on parle ? Quand on écoute cette chanson... Le blind test, c'est la reprise du temps des cerises par Bertrand Cantat. Donc du coup, évidemment, ça nous introduit directement et dans le temps de la commune et dans notre propre actualité. Parce que ça rappelle l'actualité de cette chanson encore aujourd'hui. Alors le temps des cerises, on est en plein dedans. C'est fin du mois de mai. Il y a plein de cerises normalement dans les arbustes, ce qui n'est peut-être pas trop le cas en ce moment avec le temps. Et alors, on va parler de la commune et partir peut-être d'une phrase intéressante. Est-ce que la commune de 1871, c'est le crépuscule des révolutions classiques, voire modernes ? Alors, c'est une vieille question qui a été posée à la commune. En fait, elle est posée doublement. C'est soit la commune, c'est le crépuscule des révolutions du 19e siècle, c'est-à-dire le dernier écho de la grande révolution française de 1789. Soit c'est l'aube des révolutions modernes, ça c'est la lecture plutôt marxiste ou communiste, c'est-à-dire la première des révolutions qui va ensuite aboutir à la révolution russe de 1917. Donc pour les gens qui posent cette question-là entre aube et crépuscule, la commune serait en quelque sorte à l'intersection de ces deux moments historiques. Alors est-ce qu'on peut replacer la commune en parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, où c'est, enfin, voilà, les conditions à l'époque n'étaient pas du tout les mêmes, le système politique non plus? On est en 2016, c'était en 1871, il s'est passé beaucoup de choses entre 1789 et 1871. Est-ce qu'on peut balayer rapidement entre 1789 et 1871 ce qui s'est passé en France pour arriver à un mouvement insurrectionnel comme la commune parisienne, je rappelle, puisque c'était quand même beaucoup à Paris? Alors oui, il y a trois grands moments révolutionnaires en fait qui jalonnent le 19e siècle, qu'on connaît mal parce qu'ils sont moins enseignés maintenant, mais ils sont extrêmement importants. Le premier, c'est la révolution de 1830 en juillet, ce qu'on a appelé les Trois Glorieuses, qui mettent un terme à un régime qui s'appelle la Restauration, qui est déjà un mouvement où se croisent des ouvriers, des journalistes, il y a une grande mixité sociale dans ce mouvement. Il est surtout connu parce qu'il débouche sur une autre monarchie, mais on oublie qu'il a été mené au nom de termes tels que liberté, égalité, et que le mot liberté n'a pas le même sens pour un journaliste que pour un ouvrier en 1830. Un petit peu toujours aujourd'hui. Ça n'a pas tellement changé non plus. Le deuxième grand mouvement, c'est celui de 1848, qui est encore plus important parce que lui, il s'est déployé dans toute l'Europe. Hein. On oublie qu'en Allemagne, en Pologne, en Italie, en Suisse, on a une énorme onde de choc révolutionnaire avec de vrais effets, puisque en Prusse, le roi est obligé d'accepter une constitution libérale. Donc là, c'est le moment peut-être le plus important. En février, puis en juin 1848, révolte ouvrière qui est massacrée dans le sang par la République naissante. Développant, on pourra revenir si vous voulez. Et tout ça sert autant de points de mémoire dans ce qui sera l'événement de la Commune en 1871. Mais pour finir avec le début de votre question, est-ce qu'il y a encore des échos aujourd'hui de la Commune ? C'est difficile pour un historien de dire que les conditions sont les mêmes. En tout cas, quand on vient à Nuit debout, ce qui est vrai, c'est que la libération de la parole, le débat sur qui a le pouvoir, qui est la légitimité, d'où vient finalement la source de la décision, c'est des questions qui sont posées sur la Commune. Par ailleurs, on est place de la République, il ne faut pas oublier que place de la République, vous aviez à l'époque des barricades aux quatre coins des grandes artères, et que ça a été un des hauts lieux de ce qu'on a appelé ensuite la semaine sanglante. Je pense que c'est pas pour rien que les mouvements politiques se sont ensuite installés place de la République. Moi, je ne voudrais pas paraître bête, mais on ne définirait pas un peu ce que c'est que la Commune et son rôle? Alors, absolument rien de bête dedans, puisque je ne l'ai toujours pas fait. Alors, la Commune, c'est un moment révolutionnaire qui est compliqué à analyser, parce qu'on a voulu beaucoup lui donner de sens, et sans jamais trop arriver à saisir ce qui s'est passé. Pour le dire rapidement, la France a perdu la guerre contre la Prusse en 1870, une république s'est mise en place le 4 septembre, puis des élections ont lieu, c'est une chambre très monarchiste qui a lieu à Versailles, qui décapitalise Paris, et tout ça mis ensemble fait que les Parisiens se soulèvent le 18 mars. Mais ce qui se passe, c'est qu'une fois que la Commune a lieu, elle procède à des élections déjà, c'est des révolutionnaires élus, c'est une chose qu'on a quand même beaucoup oublié, et puis qu'une fois que ces révolutionnaires sont élus, ils mettent en place un autre gouvernement. Un gouvernement qui entend précisément instaurer une république qu'on appelle démocratique et sociale, où le pouvoir appartient à tous les citoyens, et où on essaie de réfléchir à d'autres formes d'organisation sociale. Alors si vous voulez une définition, la meilleure c'est celle que la Commune a donnée d'elle-même, il y a une grande affiche le 19 avril, qui dit en gros que le programme consiste à universaliser le pouvoir et la propriété. Je pense que c'est une bonne définition. Après, vous avez beaucoup de groupes, beaucoup d'idéologies, beaucoup d'impulsions qui font que c'est très difficile de donner un sens unique à cet événement. D'accord. Aujourd'hui, la Commune, elle se définit par le biais de petits regroupements et de décisions. Moi, j'entends régulièrement des critiques par rapport au fait que ces communes, elles sont peut-être parfois trop petites et qu'elles ont des difficultés à travailler ensemble. Et ça, c'est quand même... Enfin, comment est-ce qu'on peut imaginer résoudre cette question-là dans un plus ou moins court terme ? typiquement, le village A a une fontaine à eau, le village B a une éolienne, mais il n'y a pas de partage ou il y a des difficultés à mettre en place quelque chose de commun. Comment ça se construit au-delà de la commune ? Alors, je vais reprendre l'idée des communards eux-mêmes, mais on a déjà ça en 1848. L'idée de la commune, au fond, c'est que le pouvoir vient d'en bas. C'est une idée qui est inspirée par Proudhon, même si c'est absolument insuffisant. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les citoyens qui ont directement le pouvoir. Et l'idée, c'est de trouver un territoire qui permette aux citoyens d'exercer directement ce pouvoir, donc c'est la commune, qu'après, d'autres communes doivent émerger en France. Alors le défaut de la commune, c'est qu'ils ont oublié les campagnes quand même. Ils pensaient que c'était surtout un mouvement urbain. Mais que ces différentes villes s'associent entre elles, on aurait une association de communes et qui ainsi créerait un ordre qui serait beaucoup plus juste. Les communautés de communes par exemple ? Exactement. Mais communautés de communes, ça n'a pas le même sens au 19e siècle qu'aujourd'hui. Le maître mot de la commune, c'est le mot d'association en fait. Ce qu'on voudrait, c'est que les ouvriers s'organisent en association, qu'on ait des associations de producteurs et des associations de consommateurs qui échangent directement un juste prix. Et ainsi qu'on échappe à ce qu'on appelle à l'époque déjà les accapareurs, les spéculateurs, les riches, l'oligarchie, etc. Donc c'est vraiment un courant de redéfinition politique et sociale par en bas. C'est une belle question, ça. Il faudrait peut-être s'y pencher un peu plus aujourd'hui. Alors justement, qu'est-ce que a pu apporter la commune ? Même si on sent qu'il y a une espèce de petite censure toujours aujourd'hui en France sur cette période un petit peu mal comprise. Alors qu'est-ce qui a apporté à la commune ? Ça dépend de qui pose la question en réalité. Oui, c'est vrai. Pendant un bout de temps, on ne s'est pas vraiment posé la question. C'est-à-dire que les Républicains disaient la commune, au fond, c'est ce régime qui a installé en premier la séparation de l'Église et de l'État, l'éducation gratuite, laïque et obligatoire. Ce qui est vrai, même si le programme n'a pas eu le temps de se mettre en place. Pour les communistes, c'est la première révolution ouvrière qui instaure la lutte des classes dans l'histoire occidentale. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est effectivement une révolution des travailleurs. Ce qui est intéressant avec la commune, c'est qu'elle correspond à aucune de ces définitions. C'est-à-dire qu'on a affaire à un tremblement de l'ordre, très net, un désir de changement avec des idées politiques qui ne sont pas exactement celles-là, et un très fort désir d'émancipation. Et ce qui gêne dans la commune, c'est qu'au fond, ce désir-là reste un corps ouvert et on n'arrive pas à le rabattre sur un sens donné. Quand on fait l'histoire de France, on aimerait bien qu'elle avance tout droit. Et en 1871, on aimerait bien, au fond, qu'on arrive enfin à la République, la Troisième République, une République un peu stable, installée, etc. Et la commune fait un peu tâche au milieu. Et c'est en ça que je la trouve extrêmement intéressante, c'est qu'elle vient simplement de nous rappeler que l'histoire de France n'est pas linéaire telle qu'on voudrait qu'elle soit. Et alors justement, une petite question qu'on ne pose pas des historiens normalement, est-ce qu'on pourrait mettre un petit peu en parallèle avec aujourd'hui ? Aujourd'hui, on vit des choses, enfin aujourd'hui, on va dire depuis 2008 et la Grèce et l'Irlande avec... Et l'Islande, pardon, avec les crises financières, le printemps arabe, etc., tout ce qui s'est passé après. Est-ce qu'on est dedans, donc on n'a pas de recul ? Est-ce que ce qu'on vit aujourd'hui, à l'époque, enfin, comment c'était vécu à l'époque ? Est-ce que c'était le commun des mortels de vivre ça en 1871 et entre guillemets, ça n'étonnait personne et les gens ne se rendaient pas compte qu'ils vivaient quelque chose d'important ? Est-ce qu'aujourd'hui, on vit quelque chose d'important ? Est-ce qu'on peut faire un petit parallèle entre les deux ? En fait, moi, ce qui m'a surpris, travaillant sur la commune, c'est qu'il se passe beaucoup de choses, en réalité, depuis un certain temps. Et la commune avait un petit peu disparu des radars. La commune, c'était très important. Par exemple, il y a une commune de Shanghai, on l'a oublié en 67. Les conseils ouvriers, pendant le printemps de Prague, en 56, faisaient aussi référence à la commune. La commune avait un petit peu disparu des radars, en un certain sens. Et en même temps, si on regarde bien... Si on regarde les mouvements Occupy, si on regarde Podemos, si on regarde le mouvement Zapatiste, surtout entre 1994 et aujourd'hui, c'est des mouvements qui prônent une certaine auto-organisation, des formes de pouvoir très horizontales, un désir d'égalité, et tout ça, la commune le porte aussi. Et en réalité, la commune, elle a une actualité par rapport à ça, alors même que sa mémoire est un peu disparue. Ce qui m'a surpris personnellement, c'est que la seule fois que j'ai vu réapparaître la commune dans un mouvement social, c'était, alors il y a eu un petit peu le cas à Oaxaca en 2006, mais c'est ici, lorsque j'ai vu la place se faire appeler place de la commune de Paris, au fond on voit bien que cette référence-là, même si on ne sait pas exactement ce qu'elle veut dire, ce qu'il y a dedans, elle reste encore actuelle. Mais je ne l'avais pas vue aussi présente, sauf ici. Justement, ce qui est marrant, c'est qu'à Paris, finalement, pour les Parisiens ou même les non-Parisiens, il y a beaucoup de lieux, d'avenues, de métros qui portent des noms de personnes personnages politiques importants sous la Commune, et enfin, tout le monde a oublié qui c'était. Enfin, s'ils étaient du côté des Versaillais qui ont réprimé la Commune, ou si c'était des communards, je pense par exemple à Blanqui, à Louise Michel, etc. Enfin, des noms qui restent dans les têtes. Gambetta, alors voilà, lui c'était un peu le méchant. Comment Paris s'est réapproprié ces noms, en fait? Alors ça, c'est un grand classique en réalité de n'importe quel pouvoir qui se met en place, c'est-à-dire de redéfinir sa propre histoire, de la réinsérer dans le quotidien des populations. Donc, lorsque la Troisième République s'est mise en place, elle a créé son histoire très syncrétique et elle a donné le nom de ses héros à des places, à des rues, etc. L'idée, c'est pas forcément que les gens sachent qui est Blanqui, qui est Gambetta, qui au demeurant avait fait son grand programme de Belleville en 1869, donc qui n'est pas que le méchant de l'histoire. C'est quelqu'un qui a beaucoup varié au cours de l'épisode, c'est un personnage assez intéressant en réalité. C'est surtout que nous vivons dans un univers qui est structuré par notre propre histoire. On va à boulevard de Sébastopol, on se déplace, effectivement, il y a des rues Louis Blanc, des avenues Blanqui. On ne sait pas qui c'est, mais ça fait partie de notre imaginaire. Et quand j'en parle en cours, les gens savent que c'est le nom d'une rue. C'est la façon dont un régime, au fond, parvient à faire de l'histoire un élément du quotidien. C'est extrêmement important, en réalité. Donc attends, l'histoire définit nos communes. Typiquement, on connaît la rue Gambetta ou l'avenue de Gambetta, mais on ne sait pas qui est Gambetta. Est-ce que la commune pourrait être en capacité de définir l'avenir à l'heure où on ne parle que de mondialisation? C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'échelle humaine. On transporte aujourd'hui n'importe quel produit d'un bout à l'autre du monde en quelques heures, parfois un peu plus. Est-ce que ça pourrait pas être une solution pour revenir à des échelles locales et repenser un peu plus à l'échelle humaine? Alors je ne sais pas si ça peut être la solution. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il faut bien voir que la commune, elle arrive à un moment qui est celle de la première mondialisation. On a déjà une libéralisation des échanges à partir de 1860, on a déjà des bateaux qui sillonnent le monde, on a déjà en réalité des ouvriers qui ne contrôlent plus exactement leur prix. On a déjà un pouvoir qui s'installe à une échelle qui est nationale et transnationale. La commune est déjà une réaction à ça. C'est en cela qu'elle peut faire cet écho. C'est pas une forme de protectionnisme ? Non, parce que le gros mot d'ordre de la commune, c'est que c'est le combat de l'avenir contre le passé. C'est-à-dire qu'au fond, le passé, c'est la chambre que vous trouvez à Versailles, et c'est cet ordre politique qui juge insupportable. L'avenir, c'est un ordre politique alternatif. C'est pas du tout protectionniste. C'est simplement l'idée qu'au fond, on peut instaurer un ordre juste dans lequel certaines personnes ne se feront pas de l'argent sur le dos des producteurs ou des consommateurs. Dans l'esprit des communards, c'est un projet éminemment moderne et nouveau. Bon, alors je vais enchaîner, comme on dit. Je suis un peu troublé. J'aimerais continuer un peu sur la commune, même si on va revenir sur la révolution d'avant de 1848, qui est assez intéressante. La commune, j'en viens à ce qu'elle a apporté. Et en fait, on parle toujours que ça a été une révolution très importante, mais on en a parlé il y a 5 minutes, mais est-ce que finalement la commune, c'est pas plutôt l'émergence d'un système parlementaire libéral, républicain et conservateur, comme beaucoup de pays connaissent aujourd'hui avec le libéralisme, etc. Et en 2016, en gros, c'est un peu le ras-le-bol de ce système. Est-ce que, pareil, on ne pourrait pas refaire un parallèle avec la commune et dire, finalement, qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce qu'on peut renverser tout, comme on l'a déjà fait en 1871, enfin, essayer de renverser tout? Ou est-ce qu'on est englué alors par diverses choses, les médias, l'espèce d'inconscient collectif historique, que rien ne peut bouger maintenant? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire là-dessus? Alors, il y a deux choses. Effectivement, ce sur quoi débouche la commune, c'est sur un régime républicain, libéral et conservateur, mais qui est la Troisième République, qui sera aussi source d'une certaine forme de modernité, avec les projets éducatifs, etc. Ça va pas dans un seul sens, évidemment, à chaque fois. Mais ce que nous rappelle la commune, quand même, c'est qu'une révolution arrive toujours au moment où on l'attend pas. C'était très net pour les printemps arabes. Avant les printemps arabes, on estimait, en gros, que l'Égypte, la Tunisie, etc., étaient des pays où ça bougeait pas, il n'y avait pratiquement pas d'histoire. Et puis paf, il y a une révolution et d'un seul coup on va redécouvrir qu'il se passait plein de choses. Donc évidemment on est englué, évidemment il y a un conscient collectif, évidemment il y a tout ça, mais l'ordre social fait qu'en général tout est fait pour qu'il n'y ait pas de révolution. Une fois que la révolution a lieu, d'un seul coup on redécouvre tout ce qui bougeait dans ce qui semblait absolument immuable. Donc ce que montre la commune, c'est ça en réalité, c'est que la révolution arrive toujours là où on l'attend pas, Et quand elle démarre, c'est un mouvement qu'on a du mal à contrôler et à entretenir. Alors je poursuis encore plus loin le raisonnement. Est-ce que aujourd'hui en 2016, alors ça sera jamais là de la même façon, mais on pourrait réassister à un genre de commune où il y a une espèce d'autogestion, comme on a pu voir avec Podemos en Espagne et d'autres parties ailleurs. Est-ce que on peut retrouver un espèce de système qui se régule de cette façon? Alors, je ne sais pas si on peut trouver à nouveau une commune. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a aujourd'hui, dans maintes parties du monde, une volonté de mettre en place cette forme de politique par en bas, autogestionnaire, qui n'est jamais aussi simple et belle qu'on voudrait dans les images des pinales, mais qui peut fonctionner aussi. Et que cette politique-là, effectivement, la commune l'a mise en place. Mais si quelque chose se passe aujourd'hui, ça ne sera jamais de la même manière que la commune. Ce qui est intéressant dans la commune, c'est que, par exemple, je vais prendre l'exemple de Shanghai, qui est un bon exemple. En 67, on est en pleine révolution maoïste, et une insurrection parmi les ouvriers de Shanghai. Ils utilisent la commune pour s'opposer à la politique de Mao, pour défendre en fait un projet d'émancipation. Parce que comme Mao avait lui-même fait de la commune un des centres de son propre discours, il ne pouvait pas s'y opposer. La commune peut servir comme ça, en fait, c'est-à-dire comme référent dans l'action, comme modèle, comme guide pour diriger l'action, mais on n'aura jamais exactement la même chose, c'est évidemment absolument impossible. Si je comprends bien, on parle de la commune comme étant un pouvoir local face à un pouvoir peut-être dit national. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs la grande ambiguïté de la commune, c'est qu'elle n'a jamais su si elle n'était qu'une république municipale ou si elle était une forme d'autre gouvernement qui pourrait se diluer malgré le gouvernement national qui est installé à Versailles. Tout de suite, on va faire une petite pause dans notre conversation sur la commune et on va aller retrouver notre ami de la CGT, Marcel. Bonsoir Marcel. Salut. Salut Marcel, tu m'entends correctement ? Ouais, ouais, je m'entends bien. Marcel de la CGT Chimie, Raffinerie. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe concrètement dans nos raffineries en France en ce moment ? Ils assument quoi. Et donc, Marcel, pardon, excuse-moi, je vais t'arrêter et te demander de reprendre parce qu'on a eu un petit problème technique qui fait qu'on ne t'entendait absolument pas juste avant. Donc pour revenir, qu'est-ce qui se passe dans nos raffineries en France, Marcel? Franchement là. Oui, c'est bon. C'est à toi. Tu me reçois? Moi, j'ai aucun retour. Hein. Moi, je t'entends très bien. Bon, voilà. Donc, tu me demandes qu'est-ce qui se passe dans les raffineries en ce moment. Je te dis que, voilà, devant la gravité de la situation, les raffineurs, comme à leur habitude, hein, c'est pas nouveau, ils ont relevé le menton, quoi. Voilà, ils sont droit dans les bottes et ils sont engagés dans ce conflit. D'abord parce qu'ils sont concernés, puis parce qu'ils ont conscience aussi de représenter une vraie lecture du combat qui s'est engagé dans le pays, quoi. Lorsque les difficultés d'approvisionnement en carburant se font sentir, ce gouvernement ne peut plus nier le combat qui est engagé et le rapport de force qui est derrière. C'est-à-dire que là, vous avez pour volonté d'ennuyer et de ne plus approvisionner le moindre station d'essence. Allô, Marcel ? Ouais, ouais. Tu m'entends ? Bah, difficilement. Hein. Il y a beaucoup de monde sur la ligne. Hein. Oui, effectivement, on a beaucoup de bruit, nous aussi, autour de nous. On va être tenté de communiquer quand même. Je vais demander si vous aviez pour but de continuer et de faire en sorte à ce que ça crée une vraie zizanie pour que les gens aient plus d'essence et du coup avoir un vrai pouvoir de pression auprès du gouvernement. Voilà, alors là, je peux t'annoncer que la dynamique, elle est en place. Hein. Les AG de cet après-midi ont voté la reconduite du mouvement jusqu'à mardi pour la plupart, du moins pour le total, pour les deux autres raffineries, j'ai pas d'infos, mais pour celle du groupe total s'est reconduit et c'est même reconduit avec, sans rentrer dans trop de détails techniques. Jusqu'à présent, les raffineries, elles étaient mises au minimum. Et il y a des âgés qui ont commencé à dire qu'il fallait tout arrêter complètement. Quoi. D'accord. Combien de raffineries là sont bloquées en ce moment même? Actuellement, il y a 5 raffineries dans la bagarre que je connaisse. Hein. Il y en a peut-être du plus depuis aujourd'hui. Comme on était sur le terrain et on le quitte à l'instant, avec de fortes tensions, on a eu du mal à communiquer aujourd'hui. De fortes tensions, qu'est-ce que tu entends par là? C'est-à-dire qu'en parallèle des grèves dans les raffineries, on a organisé, comme tu le sais, un peu partout dans le pays, le blocage des dépôts pétroliers pour accélérer le processus, en fait. Hein, parce qu'il y a des réserves dans ces dépôts. Et il y a aussi des dépôts qui sont alimentés comme celui de Dunkerque, comme ceux de Dunkerque, qui ne sont plus alimentés directement par des raffineries, mais par des pétroliers, des raffineurs qui viennent de l'étranger. Val, ça... Donc on a organisé un peu partout dans le pays le blocage de ces dépôts, et c'est pour ça que bon, c'est très difficile à tenir, hein, je l'avoue. Hein. Val, ça n'a pas hésité à annoncer à la télévision et aux informations qu'il n'hésiterait pas à recourir à la force pour libérer les raffineries. Ça sous-entend quoi pour vous? C'est en cours. Hein. Pour nous, on a été délogés de deux dépôts ce soir. Ils font ça avec le plus de légalité possible. Hein. C'est-à-dire qu'ils font venir les huissiers sur place. L'huissier dépose un recours... en référé en urgence auprès d'un tribunal, et le tribunal prononce une ordonnance qui donne la possibilité aux préfectures de faire appel, et même aux huissiers d'ailleurs, de faire appel aux forces de l'ordre, ce qui se produit. Hein. Qu'est-ce qu'on s'attend? On s'attend à quoi là dans les prochains jours? Alors, nous, de toute façon, devant les forces qui sont mises en présence, on n'a pas trop de choix, hein, donc ils nous dégagent nos blocages, mais il n'est pas question de céder, donc on va les reprendre comme on peut et ailleurs, là où on peut. Hein. Marcel, est-ce que vous avez le soutien de la population? Alors, voilà, ce matin, par exemple, en parallèle des blocages, on a distribué sur Dunkerque plusieurs milliers de tracts. Hein. Moi, à mon poste, on en a ventilé 4000. Et donc, je peux dire qu'aujourd'hui, le ressenti qu'on a à ces distributions de tracts à la population, aux travailleurs, aux femmes, aux anciens, à tous ceux qu'on arrête au rond-point ou au carrefour pour donner un tract, on est sans raconter d'histoire, hein. On a dépassé les 80%, les 70% de soutien de la population. On a énormément de soutien de gens qui nous disent être d'accord, qui nous donnent des encouragements, qui nous soutiennent. Il y en a qui sont venus aujourd'hui au piquet nous amener de la bouffe. Tu vois, donc... On a du soutien. Le problème, c'est que c'est pas suffisant. Alors, j'en profite pour lancer un appel, quoi, parce que il faut physiquement, pour que ces soutiens ils soient physiques de deux manières. La première, par la grève dans les usines, parce que c'est comme ça qu'on va les avoir. Hein, c'est en bloquant l'économie du pays. Puis le deuxième, en nous aidant dans les blocages qui soient directs aux portes des dépôts. Ou ailleurs, lorsqu'on va s'installer ailleurs. Il est très important que dans ce combat qui est engagé, la population, les travailleurs, toutes celles et ceux qui ont envie de poser, elles le fassent maintenant. On va avoir une semaine qui va être décisive. Si on ne veut pas avoir à revivre les dépôts qu'on a connus en 2010. Marcel, votre position par rapport au mouvement Nuit Debout, c'est quoi? Alors, nous, on est très attentifs à ce qui se passe à Nuit Debout. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de copains qui participent. Moi, personnellement, il y a eu une Nuit Debout hier soir pour la première fois à Dunkerque. J'ai pas pu y aller parce qu'on est resté très tard sur les dépôts. Et donc, on en parle entre nous. On est très favorables à ce débat, à cette discussion, à cet échange qu'il y a avec dans les Nuits Debout et avec les Nuits Debout. C'est quelque chose qui est qui devait naître, hein, et qui offre à mon sens, hein, de bonnes perspectives de retrouvailles, quoi, entre les étudiants, qui les professions, les sans-professions, les travailleurs, les syndicalistes. Hein. On a besoin de se créer des espaces comme cela pour élaborer des solutions ensemble. Et puis, ce qu'il y a de bien dans les Nuits Debout, c'est que ça catche de partout et les problèmes se posent. Et c'est la première chose à faire, poser les problèmes. Et envisager les solutions, on n'a peut-être pas toujours les bonnes, mais c'est pas grave, ça va finir par percer tout ça. On va aller chercher et j'espère qu'on va finir par les trouver. Marcel, merci beaucoup pour ce petit point sur la situation des raffineries en France. Tu fais partie de la CGT Chimie, raffinerie de Dunkerque. Je crois que tu as tout le soutien ici. En tout cas, il y avait des gens qui applaudissaient quand ils t'entendaient parler tout à l'heure. Et nous, on te soutient depuis la place de la République. On ne manquera pas de revenir vers toi pour avoir d'autres informations dans les jours à venir. Merci beaucoup, Marcel. Ouais, et puis voilà, moi j'ai envie de dire... Il y a une chanson qui est devenue célèbre, hein. On lâche rien, voilà, sans armes et sans violence, pour en citer une autre du même chanteur, mais on lâche rien. C'est bien ce que bon nombre de gens ont dans la tête, que ce soit à Paris ou en province, dans les Nuits Debout ou dans les grèves, dans les raffineries, et il faut vraiment qu'on converge. Merci beaucoup Marcel, à bientôt, on ne manquera pas de revenir vers toi pour avoir des nouvelles. Merci. À bientôt. Encourage à vous. Merci beaucoup. Et tout de suite, toujours en direct depuis la place de la République, on retrouve Seb et que je ne dise pas de bêtises, Quentin, à propos de la commune. Et bien justement, on va faire un petit lien avec ces grèves, là, avec les raffineries qui bloquent qui vont bloquer le pays, j'espère, jusqu'au retrait de la loi El Khomri. On va faire un petit lien avec les grèves. Donc juste avant la commune, en 69, qu'est-ce qui s'est passé en 69 là? On pourrait en prendre un petit peu de la graine. Alors effectivement, en 1964, le droit de grève est autorisé. Et on assiste à une véritable explosion des grèves en France, avec des mouvements de grève énormes, notamment la plus célèbre et la plus impressionnante, c'est au Creusot, où ce sont des milliers d'ouvriers qui bloquent l'usine et qui forcent le patronat à aller chercher, faire appel à l'armée. Ça se termine dans le sang, évidemment. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que ces mouvements de grève ne sont pas que français, ils sont européens. Et c'est la grande période de ce qu'on appelait la première internationale, hein, l'AIT, Association Internationale des Travailleurs, alors qui n'avait pas du tout le pouvoir qu'on lui prêtait, mais qui mettait en relation ces différents mouvements de grève, qui facilitait, c'est une autre chose intéressante, la circulation de l'argent entre une grève et l'autre. Par exemple, la grande grève des tailleurs parisiens en 1967 tient parce que les Anglais leur envoient de l'argent. Donc une forme de solidarité internationale comme ça qui se met en place et qui a fait extrêmement peur à l'époque au gouvernement et aux couches, on va dire, moyennes et aisées. À tel point qu'ils imaginaient que l'AIT avait un trésor de guerre énorme, ce qui était faux. C'était uniquement des mises en solidarité, de territoire qui autrement s'ignoraient les uns les autres. Alors justement, en repartant de ces grévistes de 69 qui amènent à la commune de 71, est-ce qu'on peut dresser justement un portrait des profils sociaux des insurgés en 71, de quelle couche sociale ils viennent, quel est le profil type, entre guillemets? Alors ce qu'il faut voir, c'est que d'abord, ce sont des Parisiens qui sont coincés dans la ville du fait des deux premiers sièges, donc vous avez plein de monde, mais on va dire que les plus impliqués dans le mouvement communard tel qu'on l'a décrit tout à l'heure, ce sont des ouvriers qualifiés, donc ça va être des serruriers, des cordonniers, très important aussi, des ferblantiers, des mécaniciens, c'est-à-dire des ouvriers qualifiés qui ont une culture politique, qui sont souvent autodidactes. Et ce sont eux, en réalité, qui sont les porteurs de ce qu'on appelait le socialisme des métiers au XIXe siècle. Alors, c'est une autre question que vous vouliez me poser, comme on a peu de temps, je la devance, ça ne vous dérange pas. C'est pas mal. Qu'est-ce que le socialisme des métiers au XIXe siècle? Il ne faut pas confondre le socialisme de Marx, qui s'installe après, avec ce que voulaient les ouvriers au XIXe siècle. Ce qu'ils voulaient, en fait, c'est ce qu'on appelait la République démocratique et sociale. C'est-à-dire l'idée que vous ne pouvez pas changer l'organisation politique sans changer en même temps l'organisation sociale. Et qu'il faut que les ouvriers s'organisent eux-mêmes à l'échelle de leur propre métier et que par un jeu d'association, on arrive à l'instauration d'un système social et politique beaucoup plus juste dans lequel on aurait le droit au travail, c'est-à-dire que tout le monde a le droit au travail et où chacun pourrait travailler et vivre décemment à sa juste place. C'est ça le grand programme, le grand rêve du socialisme des métiers, qui a été un petit peu moqué par Marx après, parce qu'il essaie évidemment d'imposer le sien, mais qui a été suffisamment fort pour faire tache d'huile en 1848. Ce qu'on a oublié, hein, c'est que le mouvement associatif s'est extrêmement développé en 48 jusqu'en 51. C'est un petit peu l'anti-loi El Khomri à l'époque. À ce stade-là, oui, complètement. C'est même exactement l'inverse. Pour le coup, ça vaudrait le coup de relire les textes de l'époque sur la façon... Parce qu'en fait, c'est le socialisme des métiers, c'est pas un socialisme qui est anti-patronat. Ce qu'ils veulent, c'est une harmonie entre l'ouvrier et son patron. C'est-à-dire que le patron n'a pas plus de valeur que l'ouvrier. Ils doivent simplement être à leur place. Le patron peut être mieux payé, mais pas avec des différentiels énormes. Et simplement, le pouvoir est aussi aux mains des ouvriers. Donc c'est extrêmement différent du programme de la loi El Khomri dont vous parlez. Et alors sur le socialisme, on va pas tarder à finir, je pense. Sur le socialisme, j'ai retrouvé une phrase qui m'a fait beaucoup rire de Marx et Engels qui disait « Le socialisme naît de la révolution ». Alors aujourd'hui, c'est assez marrant avec le gouvernement qu'on a, mais est-ce qu'on peut rebondir un petit peu sur cette phrase qui sortit son contexte ? Je pense pas, on me dit non en régie. On peut évoquer les courants socialistes des années 1830 qui naissent justement de la révolution de 1830, qui sont extrêmement intéressants. Ce qu'on appelait socialisme utopique et qui reviennent aujourd'hui en force parce qu'on trouve qu'ils font un écho assez intéressant. Je vais prendre l'exemple de Charles Fourier que j'aime bien ce qu'on appelle le socialisme utopique. Lui, son idée au fond, c'est la suivante, c'est qu'il faut créer une société idéale. Il compte 13 passions humaines, donc ça fait 810 combinaisons. Et il dit en gros, voilà, vous mettez 1620 hommes et femmes appartenant à chacune de ces combinaisons et vous aurez une société idéale. Vous allez me dire, c'est stupide, c'est vrai. Mais il faut bien penser qu'on est au 19e siècle, un moment où l'industrialisation se développe, où les villes se mettent de plus en plus en place. On ne sait pas ce qui se passe. Et grâce à ce genre de petit calcul mental, vous avez l'outil le plus efficace pour critiquer les inégalités galopantes qui se mettent en place à ce moment-là, pour déclarer quelque chose d'inimaginable à l'époque, qui est l'égalité entre les hommes et les femmes, pour repenser convenablement l'harmonisation sociale entre les travailleurs et leurs patrons. Voilà un tout petit exemple de ces courants de pensée extrêmement originaux et puissants qui ont traversé le 19e siècle et qui ne sont pas restés communs d'une intelligentsia qui se diffuse par toutes petites touches chez les ouvriers. Le meilleur exemple qu'on ait, c'est la diffusion du terme féodalité industrielle dans les groupes ouvriers. Ça, c'est un mot qui vient des socialismes utopiques intellectuels et qu'on va voir repris dans le langage des métiers en 1830, en 1848. Féodalité industrielle, le terme est extrêmement fort, extrêmement efficace. Finalement, la commune, elle nous donne un peu d'espoir quand on t'écoute parler. En tout cas, la commune, elle rappelle que la modernité ne va pas dans un seul sens, qu'il y a un certain nombre d'alternatives qui ont existé et que leur actualité est peut-être plus grande que ce qu'on pense habituellement, oui. Alors, ça nous donne de l'espoir et ça va être très bien pour la dernière question, mon ami Bastien, ses camarades Bastien même, c'est qu'on peut parler de ton dernier ouvrage, alors je ne suis pas là pour faire de la pub, mais qui parle d'histoire contrefactuelle. Alors pour les gens, allez voir sur internet, c'est très intéressant. En gros, ça dit, à un moment de l'histoire, si la situation s'était inversée. On parle d'Uchronie exactement, enfin pour reprendre des termes précis. Alors cette Uchronie, mettons en 1848 ou à la Commune en 1871, si le rapport de force s'était inversé et que ça avait débouché sur ce que rêvaient les communards et les insurgés, qu'est-ce qui serait passé pour aujourd'hui, enfin pour la suite de la fin du 19e et du 20e siècle ? Alors on va partir de 1848 parce que la Commune a eu moins de capacité d'efficacité puisqu'ils sont entourés par l'armée, il n'y a que Paris en 48, encore une fois c'est toute l'Europe qui s'embrase. Donc on peut parler de cette hypothèse ouvrière, là, l'hypothèse démocratique et sociale. Elle est intéressante hein, parce qu'il faut rappeler qu'en 1848 vous avez un ouvrier au gouvernement, ce qui était impossible. Il y a une commission dite du Luxembourg qui réfléchit déjà à l'organisation du travail. À Lyon, c'est déjà les ouvriers qui ont pris le pouvoir. Donc c'est une hypothèse qui n'est absolument pas absurde. Alors qu'est-ce qui se serait passé s'ils avaient réussi à installer la République démocratique et sociale, enfin certains des projets, dans les mesures du gouvernement provisoire? On aurait eu le droit au travail, donc chacun aurait eu accès au travail, c'est ce qui avait été mis en place. On aurait vu se mettre en place cette dynamique associative. et on aurait dû se mettre en place ces logiques de souveraineté populaire. Est-ce que ça aurait fonctionné ? On n'en sait rien, c'est pas la question. Ce qui est intéressant quand on fait ce genre de petit jeu de l'esprit, c'est que ça vous rappelle que ce qu'on appelait après coup les vaincus de l'histoire ne l'était pas forcément au moment où l'histoire se fait. Et ça vous rappelle ensuite que... On se rappelle souvent des vainqueurs, mais pas des vaincus. Bah, l'histoire est faite par les vainqueurs, oui. Le contrefactuel est un moyen de redonner leur dignité à ces paroles-là. Et que ce programme de République démocratique et sociale n'était pas du tout une naïveté, une illusion, comme on l'a évoqué après. C'était un vrai programme politique alternatif qui a échoué sous les coups du rapport de force, mais dont l'écho a perduré jusque sous la commune et encore sans doute après. Quentin Deluermoz, merci beaucoup pour ces quelques éclaircissements au merci sujet à toi, Quentin. De la commune. Merci, merci à vous deux. Tout de suite, on va retrouver l'AG et juste après, on sera avec Pascale Weber, performeuse qui met en ce moment même en place une performance sur l'attachement au soutien aux mineurs migrants de la Chapelle. Réveillez-vous, c'est Radio Debout. En Irak, ils vont péter en Syrie, il va y avoir des roquettes, il va y avoir des tanks, il va y avoir des drones, des hélicoptères, etc. Et tout ça, bah, je vous invite à aller les voir. Et en plus, il va y avoir aussi un compartiment sur le ministère de la Défense, parce qu'il y aura aussi, bien entendu, les armes, les nouvelles armes des CRS qui vont nous foutre dans la gueule. Est-ce que vous voulez savoir ce que ça va être ? Eh bien, vous pouvez aller voir là-bas. C'est du 13 au 17 juin à Villepinte, au Salon des Expositions. C'est gratuit. Je suis allé en 2014, j'étais assez impressionné. Je suis même allé à une conférence. La conférence, c'était « Comment mater le peuple dans les manifestations ?» C'est dingue. Il y avait le chef de la gendarmerie française, il y avait le chef des CRS français, il y avait un docteur en guerre égyptien, il y avait le chef des pompiers, et ils discutaient de comment ils allaient s'organiser pour faire en sorte que le peuple soit maté comme il nous mate aujourd'hui, parce qu'on est maté quand même. Il y a des NAS, il y a des stratégies. Il y a beaucoup de choses et il les présente ce jour-là. Et il présente les effectifs et il présente le matériel qu'ils auront à notre disposition. Il présente tout ça. Donc, je vous invite vivement à y aller. Allez-y tous ensemble. J'ai déjà filmé. J'y suis allé en 2014. J'avais mis un petit brassard blanc. J'étais le seul péco à avoir un brassard blanc, à me balader dedans. Et puis, je suis pour la paix. Mais là, cette année, je vais mettre mon brassard blanc aussi pour la paix, cesser le feu et tout. Putain, si on est des milliers à faire ça, mais ils vont péter des câbles. Par contre, on ne pourra pas y aller à des milliers tous ensemble. Faut y aller 2, 3 par groupe de 2, 3, 4, 5. Pas plus, sinon on va se faire cramer. Mais allons-y jeter des boules puantes. Parce que là-bas, ça pue la misère. La misère, elle vient de là-bas. Et 30 à 40% de nos impôts, ils sont matérialisés là-bas, donc je vous invite vraiment à aller voir à quoi servent nos impôts. Ça va pas être en forme d'argent, ça va être métallique. Radio Debout. Alors, nous sommes toujours sur la place de la République, voilà, et là nous accueillons avec Fanny, qui est à ma gauche, avec un beau manteau vert. Nous accueillons Pascale Weber, qui est à ma droite, avec un joli blouson rouge. Donc, on t'accueille parce que je t'ai rencontré. Alors, pour la petite histoire, j'ai rencontré Pascale à la fête de l'insurrection gitane dimanche dernier. Voilà, on a été présenté par Laurent, qui est éditeur, qui est donc les éditions Al Dente, où tu as d'ailleurs publié des livres, enfin un livre en tout cas chez lui. Et donc tu m'as parlé de ton désir, tu es performeuse, pas seulement, parce que tu enseignes également à la Sorbonne, et donc de faire une performance à la chapelle, enfin à côté de la chapelle. Dans un lieu où il y a des arbres, une performance autour de l'attachement par rapport à la situation des migrants. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est née cette idée de performance ? Je sais que tu fais des performances depuis longtemps, tu n'es pas toute seule à les faire, vous êtes deux À la base, même si après vous accueillez d'autres gens parfois. Tu l'es fait avec Jean, c'est ça? Jean. Et raconte-nous un petit peu cette histoire. Pourquoi tu as ce désir de faire cette performance qui aura lieu donc le 29 mai à partir de 17h sur cette thématique, l'attachement par rapport aux migrants? Bon, alors, tout d'abord, bonjour. Donc oui, je travaille avec Jean Delceau au sein d'un duo qui s'appelle Antu. Antu, c'est un mot indonésien qui veut dire fantôme, parce qu'on est persuadé que nous vivons en permanence avec des fantômes autour de nous qui contiennent toute la mémoire de nos corps. J'ai écrit le livre L'attachement, qui fait référence à tout notre travail de performance, en pensant essentiellement à mon grand-père décédé, avec ce phénomène un peu particulier qui est que mon grand-père n'avait jamais quitté son village où il était boulanger. Il ne s'était jamais déplacé à plus de 10 km à la ronde. Et aujourd'hui, ce rapport au territoire nous paraît un petit peu fou. Et voilà. Et il me semble que quelqu'un qui ne sait pas à quel village il appartient, qu'il s'agisse d'un village réel ou un village symbolique, il lui est très difficile de se construire. Du reste, ce n'est pas moi qui l'invente. Hein. Il y a une théorie qui a été développée par des psychologues dans les années 60-70, les époux Arlot, qui parle de la théorie de l'attachement et qui montre qu'effectivement, si un petit est séparé de sa mère et isolé de toute présence autour de lui, affective, et il ne peut pas se construire et il deviendra violent, asocial. Donc cette question de l'attachement, elle me semble aujourd'hui assez cruciale. Donc voilà, il se trouve également que je suis enseignante en art à Paris 1. Et mes étudiants viennent souvent, les étudiants que j'ai, c'est pas employé un possessif, les étudiants avec qui je travaille souvent me témoignent de leur désarroi. Et ils voudraient également s'impliquer par rapport à leur territoire aujourd'hui, sans savoir comment ils pourraient se manifester. Donc là, par rapport à toute la question des migrants, qui moi me concerne particulièrement, notamment les jeunes migrants qui sont sans famille. Alors je vois déjà mes étudiants qui sont en désarroi et qui souvent, eux, ont une famille. Je me demande comment des jeunes qui auraient le même âge qu'eux, qui à la fois n'ont plus de village, n'ont plus de territoire et n'ont pas de famille, comment ils peuvent se construire. Donc, et ceux qui sont morts, bien évidemment, monsieur, et ceux qui sont morts en mer. Comment pouvoir intervenir, comment pouvoir servir à quelque chose, comment être utile, en fait. Donc, ce livre que j'avais écrit, L'attachement, il se trouve que j'en avais un certain stock qui a été retiré parce que il y avait une malfaçon. Et je me disais que plutôt que de l'envoyer au pilon, on pouvait faire une performance poétique avec ce livre. Et cette performance poétique, je voulais qu'elle ait lieu le dimanche 29 mai, qui est le jour de la fête des mères, une fête, comme tout le monde sait, qui a été instituée par le maréchal Pétain. Donc nous aurons cœur à fêter, notamment avec des gens donc, qui peut-être ignorent ce que pourrait être une fête des mères. Cette performance collective, on voulait la faire à 5 heures, un dimanche, pour que également les jeunes qui habitent loin de Paris aient le temps de venir, parce qu'en semaine c'était un petit peu compliqué. Oui, alors en effet, donc l'idée c'est que de rassembler donc différentes personnes, donc des étudiants. Que tu connais, qui sont tes étudiants à toi, ou c'est des étudiants qui viennent d'autres cursus? Alors il y a des étudiants à moi, des étudiants que j'ai eu cette année, mais des étudiants que j'ai eu d'autres années avec lesquels je suis restée en contact, notamment parce que je savais qu'ils étaient tout à fait concernés par cette question du territoire et des migrants, notamment, je pense à certains d'entre eux qui eux-mêmes sont venus, qui ont été migrants avec leur famille et qui aujourd'hui vivent en France, sont intégrés et peuvent même bénéficier de cours à l'université. Donc ces étudiants, et ce qui me semblait important, c'était de pouvoir créer un événement où ces jeunes seraient directement eux en contact avec d'autres jeunes qui n'ont pas cette chance. Et plutôt que de parler pour les jeunes migrants sans papier et sans famille, eh bien, créer un événement où on pourrait créer de l'attachement. Alors c'est vraiment peau de chagrin, naturellement, hein, faire une demi-heure, une performance où on joue l'attachement. Mais je pense qu'il y a des images poétiques qui peuvent être fortes. Et c'est pour ça qu'on voulait les faire cette performance Place de la Chapelle, au métro La Chapelle. Juste en sortant, il y a un petit square et il y a trois arbres. C'est une place toute petite qui n'a rien de... comment dire, de magistral. C'est une place où plein de personnes, j'espère, seront là le dimanche 29. Et ce que l'on voulait, c'était juste le temps d'une performance, faire famille. Qu'est-ce que ça veut dire faire famille? Qu'est-ce que ça veut dire être attaché à des gens et sentir l'attachement de notre corps à d'autres corps, parce que c'est une énergie vitale, tout simplement. Nous raconter un peu cette question par rapport à la nécessité d'attachement à un territoire que toi tu repères, d'un travail entre autres que tu as fait sur le passage d'un territoire à l'autre, comment est-ce qu'on on est en mouvement à l'intérieur d'un territoire et comment est-ce qu'on traverse aussi des endroits, comment est-ce qu'on se fond dans un lieu. Oui. Je crois que tu t'es laissé glisser dans une rivière. J'aime bien cette idée, vers la mer. Oui, donc dans le cas du duo en tout, on a fait pas mal de performances. Elles n'ont pas toujours un caractère politique immédiatement perceptible. On travaille beaucoup dans des termes poétiques plutôt. J'avais fait avec Jean, dans le cadre de Antu, j'avais fait une performance en septembre 2014, je crois, en Angleterre, à Plymouth, où je m'étais laissée dériver tout le long de la rivière Yelm jusqu'à l'embouchure de la mer. Donc j'étais allongée sur le dos avec une robe qui portait des flotteurs. L'eau faisait à peu près 14 degrés, donc il faisait assez froid. Et en fait, c'est la marée descendante qui me tirait, quoi, qui me happait vers la mer. Et l'idée, c'était de voir si un corps immergé comme ça dans l'eau d'une rivière, donc est une eau douce, et son passage vers l'eau salée, était perceptible. C'est-à-dire, est-ce que j'allais me rendre compte physiquement de ce passage de deux territoires qui n'ont a priori rien à voir. C'est pas les mêmes plantes, c'est pas les mêmes poissons qui la peuplent. Et donc sur cette légère dérive progressive, quoi. Donc ces questions avec une mise en scène du corps, hein, on voit un corps très très lentement qui bouge, ou plutôt qui est bougé, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment de contrôle sur ce lent mouvement et qui passe petit à petit d'un univers à un autre. C'est également la volonté de réfléchir à toutes les mutations qu'on vit en ce moment, où on passe d'un monde à un autre, sans vouloir forcément y mettre des slogans politiques. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est simplement que c'est pas là, moi, que je me positionne. Mais comment on peut accompagner ce mouvement et ne pas considérer ce mouvement forcément comme quelque chose de chaotique et de dramatique. Le monde change, le mouvement, c'est quelque chose qui est lié à la vie. À partir du moment où il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de vie. Et donc, il faut être capable d'accompagner le mouvement. Et je crois qu'en ce moment, avec les changements géostratégiques, il y a des changements. Et notre vieux continent, il faut vraiment qu'il arrête de se laisser embourber. Il faut qu'il lève la tête et qu'il se rende compte que, de manière, le monde change. si on ne veut pas changer, on va juste crever, c'est tout. Et il faut bouger tranquillement. Je suis allée à la New Jungle lundi et mardi. La New Jungle qui est donc à Calais. Oui, qui est donc à Calais. Je suis arrivée dans l'école, il y a une petite école laïque qui est construite de briques et de brocs. Et à l'entrée de la jungle qu'on voit de la route d'ailleurs. Oui, c'est la partie la plus au sud, donc c'est voilà. La partie de la jungle qui a été détruite. Hein, voilà. Donc il reste l'école et on y va et je suis arrivée, il y avait des jeunes personnes, des moins jeunes d'ailleurs, qui étaient là. Je suis arrivée, j'ai demandé ce que je pouvais faire. On m'a dit, écoutez, là, il y a deux, trois jeunes qui aimeraient bien apprendre le français. Je me suis assise à côté d'eux et puis je me suis improvisé un cours de français. Et puis, j'y suis restée l'après-midi. Il y en avait deux autres qui étaient là, qui voulaient plutôt apprendre l'anglais. Bon, je ne parle pas très bien anglais, mais manifestement un petit peu mieux qu'eux. Donc, je me suis improvisée enseignante en anglais. J'ai essayé de leur trouver deux, trois mots. Et voilà. Donc, et c'est pas grave. Hein. Tu parlais de Calais comme de la reconstitution d'un monde ou d'un territoire, en tout cas, de la réinvention d'un territoire, de la jungle. Moi, je trouve très curieux. Il se trouve que j'ai fait des performances dans la jungle au sud de Sumatra. Et j'ai travaillé avec, j'ai rencontré des chamans là-bas et je suis restée donc en pleine jungle aujourd'hui dans l'archipel de Mentawai. Les gens sont successivement menacés soit parce que on veut y planter des arbres pour faire de l'huile de palme, ce qui est absolument catastrophique. Ou bien maintenant on veut y implanter des barrages pour l'électricité. On brûle toute la forêt équatoriale à tel point que les gens crachent du sang tellement il y a de la fumée. Donc les gens se retrouvent étrangers chez eux, expropriés chez eux. Et on peut effectivement faire le parallèle avec la jungle de Calais, si le terme est le même, c'est pas pour rien. C'est une espèce de jungle. Moi, je ne pense pas juste à la jungle de Calais, je pense à la forêt mondialisée, c'est-à-dire la forêt, c'est le refuge mondialisé qui est en train de s'organiser avec de plus en plus de gens qui vivent en se cachant, en essayant de se réinventer. Et voilà, et peut-être que d'abord, il faut apprendre à discuter avec ces personnes, voir ce qu'on peut faire pour elles, mais pas oublier qu'elles aussi, elles peuvent faire des choses pour nous. Parce qu'un jeune qui a 16 ou 17 ans aujourd'hui, c'est quelqu'un qui aura toujours beaucoup plus de vitalité qu'un vieux schnock de 60 ans qui reste campé sur ses vieilles positions. Ils ont plein de choses à nous apprendre. Ils viennent, j'ai vu les Afghans qui venaient, ils savaient déjà parler quatre langues et ils voulaient apprendre le français et l'anglais. Donc ça veut dire que d'ici 2 ans, ils sauront parler 6 langues. Et je suis incapable de faire ça. Je suis incapable de faire ça. Donc, c'est pas juste. On n'a pas juste à les aider. On a juste à comprendre où on vit et qui on est grâce à des gens qui eux-mêmes cherchent qui ils sont. Et ils n'ont rien. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien. J'ai vu, moi, une famille. Le couple est venu avec 5 enfants. Ils ont traversé toute une partie de l'Afrique avec 5 enfants. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant. Donc, mais c'est vrai qu'il y a à Calais, dans cet endroit, dans cette jungle, il y a aussi une richesse énorme de différentes des communautés, de ce qu'elles apportent aussi à cet espace, dans la rencontre aussi des uns et des autres. Moi, pour y avoir été également. Les restaurants qui s'y créent, sûr, l'école, ouais. Voilà, il y a un ashram, il y a des boîtes de nuit, il y a aussi, il y a toute une vie, une vie vivante et qui n'est pas que, bien sûr, il y a de là où chacun vient, mais il vient déjà avec des bagages qui sont de leur propre culture. Et on voit bien que ça demande juste à vivre ensemble, à pouvoir se partager, à écouter ça aussi, à l'entendre. Et toi, dans la performance, c'est aussi ce rapprochement-là que tu veux donner à vivre. C'est à vivre, à vibrer, à être ensemble. en ce moment particulier de la fête des mères, qui est symboliquement voilà, la mère, l'attachement. Mais ça va, Pascal, Pascal a une petite quinte de tout. Pendant que Pascal, je voulais juste lire un petit extrait. Accentuer les mots pour faire danser les manques et leur donner puissance, consistance de milieu en mouvement. Accentuer les manques pour faire danser les mots et leur donner puissance, consistance de corps en mouvement. C'est pas très différent, mais c'est pas la même chose. Accentuer les mots pour faire danser les manques et leur donner puissance, consistance de milieu en mouvement. Accentuer les manques pour faire danser les mots et leur donner puissance, consistance de corps en mouvement. C'est un extrait d'un texte de Didier Huberman et qui m'évoquait le travail de ton travail par rapport à la performance. Et comme au début tu parlais de fantômes et que c'est un texte qui parle de ça justement en plus, donc c'est marrant parce que tu vois quand tu as évoqué le mot fantôme, là du coup ce sont des corps en présence, ce ne seront pas des fantômes. Est-ce, tu peux juste nous rappeler quand cette performance aura lieu, comment on peut s'y retrouver? Je sais qu'il y a des migrants que tu aimerais bien qu'ils viennent aussi, des jeunes. Alors redis-nous quand c'est et voilà, comment on peut s'y retrouver là-bas et après on écoutera l'AG. Ok, c'est dimanche 29 mai, donc à 5h. Je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. C'est joli les chats. À 5h, place de la Chapelle, au métro La Chapelle. Et j'espère effectivement qu'il y aura plein de personnes qui vont venir. Notamment des personnes de nationalités les plus diverses possibles. Et que les personnes, les migrants qui sont sans famille, ceux qui sont en famille également, pourront venir. Ils ont leur place. Non seulement ils ont leur place, mais ils seront même invités d'honneur. Et pas juste là comme support à discussion. On voudrait qu'ils soient vraiment partie prenante. Voilà. Merci à toi, Pascal. C'est et donc, moi qui vous remercie. Ce sera l'objet et pas l'objet. Ce sera l'objet le 29 mai. On retrouve l'AG. Radio Debout, si tu ne sais pas pourquoi tu l'écoutes, on sait pourquoi on le fait. Je suis désolé, on peut faire une politique bourgeoise avec un costume cravate, comme on peut appliquer des politiques au service de la bourgeoisie, en jean et avec les cheveux longs. C'est exactement ça. Donc franchement, j'espère que Nuit Debout ne va pas accoucher d'un Podemos pour la France. Voilà. Donc c'était à peu près tout ce que je voulais dire. Donc pour conclure mon intervention, aujourd'hui, il y a des organisations syndicales, notamment la CGT, qui commencent à mobiliser pour le blocage des raffineries, le blocage des transports. Et je pense que c'est ça l'avenir pour infléchir réellement le gouvernement. Mais même quand bien même la loi El Khomri serait retirée, les problèmes de toute façon restent. Ne l'oublions pas. Hein ? Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je m'excuse si j'ai pas été trop long. Léna. Salut à toutes, salut à tous. Je voudrais vous parler d'un mot dont je suis amoureuse. C'est cheminot. Ce mot, c'est radicalité. Ça veut dire prendre à la racine. Il ne faut pas avoir peur de parler de radicalité. Jamais. La radicalité dans l'écologie, c'est dire que le productivisme et l'extractivisme reposent sur l'esclavagisme généralisé, sur l'asservissement de pays entiers. Ne pas avoir peur, vraiment, de prendre la radicalité, prendre à la racine. Dans l'écologie, c'est pas dire il faut recycler, il faut récupérer les graines, il faut essayer de manger bio. C'est dire il faut reprendre les moyens de production, il faut que ça arrive au peuple. Quand on parle de casseurs, quand on parle de gens qui vont briser des vitrines, la propriété, elle ne sent pas. Elle ne sent pas la douleur. Tout à l'heure, on était à une manifestation, une occupation de place, qui disait qu'il fallait séparer le MEDEF et l'État. Il faut supprimer le capitalisme. Il faut arriver à se rendre compte que les grandes avancées sociales, elles sont arrivées non pas par des gens qui venaient au café du commerce dire il faudrait qu'on puisse avoir les 35 heures, qu'on puisse avoir certains droits. Ce qui était avancé par les travailleurs et les travailleuses à l'époque, c'était des revendications radicales. Et les revendications radicales, elles consistent en cela, en mon sens, qui est de dire que nous sommes dans un système capitaliste qui exploite les hommes, qui exploite les femmes, qui exploite la terre. Nous arrivons dans un système, une aporie générale, qui fait que nous arrivons vers une catastrophe écologique et sociale qui touchera non pas les classes moyennes, blanches, du centre-ville que nous représentons aujourd'hui, mais qui toucheront principalement les pays pauvres et les pauvres dans les pays pauvres, avec la montée des eaux. Et aujourd'hui, nous vivons tous les perturbateurs endocriniens, nous vivons une pollution généralisée. La radicalité, c'est simplement oser dire qu'il faut détruire ce système, qu'écrire une nouvelle constitution et créer une nouvelle république qui sera à nouveau bourgeoise, qui écrasera à nouveau le peuple, ça ne nous sauvera pas. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de dire qu'il faut détruire la république, qu'il faut construire un véritable pouvoir au peuple sur un système de communes fédéralisées. C'est possible. Les pseudo-discours, excusez-moi, je suis un peu longue, mais je suis émue devant 30 taux de gens. Moi, je viens d'une petite ville et... Excusez-moi. La séparation qui est faite par les médias et par la police entre casseurs et non-casseurs, entre radicaux et non-radicaux, est fausse. Nous sommes un peuple opprimé. Nous nous battons aujourd'hui pour essayer de créer une nouvelle société et... Excusez-moi, je suis très émue, j'ai un peu oublié ce que je voulais dire, je suis mal à l'aise. J'ai pris un petit papier. Aujourd'hui, si nous ne décidons pas véritablement de reprendre le pouvoir par la force, et c'est seulement par la force qu'il pourra se faire, on ne pourra pas construire véritablement une démocratie directe, écologiste, sociale, féministe et antiraciste. Et pour le faire, ce n'est pas en demandant à des politiciens, des hommes providentiels, qui d'ailleurs seront toujours des hommes et non des femmes. Ce ne sera pas en essayant d'écrire une nouvelle constitution pour 65 millions de personnes. Ça sera en créant localement des luttes d'actions directes, en créant des grèves, des blocages économiques massifs, en cessant de cracher sur les casseurs, en cessant d'aider la police en permanence. Et aujourd'hui, nous nous battons contre quoi ? Nous nous battons contre un État raciste, un État policier. À Calais, à la Grande-Synthe, des milliers et des milliers de personnes sont regroupées sans aucune aide de l'État, fracassées par la police. Et lorsque nous sommes blancs et relativement riches dans des grandes villes ou des plus petites villes, il est facile de dire « la police, ce sont des prolétaires, eux aussi, ils ont un travail et un endettement, ils ont du mal ». Mais quand on vit dans des quartiers populaires, ou qu'on est sans papier, ou alors qu'on est simplement en transit, qu'on a été poussé par la vie pour aller sur la route, la violence policière, elle est systématique, elle est globale, elle est permanente. La vie entière est une violence policière pour ces gens-là. Et moi aussi, je suis une petite nanette qui débarque d'une petite ville avec son keffier, une petite nana qui a plein d'idées, etc. Je suis une gamine, j'ai pas beaucoup d'expérience. Mais je me rends compte qu'il n'y a rien à attendre, ni du système de la République bourgeoise dans laquelle nous vivons, ni de l'arrivée d'un homme providentiel, ni de la réécriture d'une constitution qui sera faite pour des hommes qui vont s'autonomiser et représenter leurs propres intérêts. Maintenant, le peuple ramasse les pavés, peut prendre le pouvoir. Et ce qui fait peur aux puissants, ce n'est pas une manifestation bien encadrée. Ce n'est pas des gens qui s'assiedent sur une place et qui boivent des bières et qui refont le monde, même si ça a libéré une parole, même si ça nous a rassemblés. Maintenant, n'ayons pas peur de dire, nous sommes toutes et tous des casseurs, nous sommes toutes et tous des révoltés. On n'entend pas assez. T'entends pas ? Allô ? Oui, tout le monde entend. Radio, debout. Management rétro planning, rendement et fils fucking, licenciement facial, harcèlement dominical, période d'essai, 20 points de pause carcérale, souci tout seul. Allô ? Oui, tout le monde m'entend. Radio, debout. Enrhumé, un singe enrhumé touche le fond de la chose et devient lucide. Il touche la chose, mais ça sent le vide. C'est vide. C'est un sens déformé par l'usure, par son miroir, par ses rides. C'est vide, c'est fatigant, c'est répétitif. C'est la mémoire qui regarde ses cernes sous ses yeux quotidiennement. C'est vide, c'est fatigant, mais il faut s'occuper. La mémoire s'occupe à regarder ses yeux afin de sentir tout au fond ses cris silencieux. La mémoire s'occupe à chercher comment se nourrir de sa propre haine et sentir ses cris silencieux. La mémoire s'occupe à chercher la figure, à chercher le père aux mains dures, à chercher les cris silencieux. La mémoire s'occupe à entendre la bête qui porte le cœur à deux mains. Elle s'occupe à l'entendre gémir, crier et dire. C'est répétitif, c'est fatigant, c'est vide, c'est fatigant, c'est vide. C'est fatigant, c'est un singe qui devient lion puis homme stupide. Point d'interro-exclamation. Un point et un vice. Un point froid et une virgule spectatrice. Un point sclérosé et une existence fatigante, répétitive et ivre d'un vertige. Des points sur le cou, sur les yeux, les vases, les mains, le dos et la gorge du poisson. Des points sur les pieds, la mémoire, les doigts, le verre d'eau et le poison. C'est répétitif, c'est fatigant, c'est répétitif, sans sens, c'est répétitif. C'est un homme qui redevient un point puis un hibou qui pense. C'est répétitif, dit le frappeur. C'est répétitif, dit la peur. C'est répétitif, dit le hibou, qu'à la fin, il meurt. Point d'interro-exclamation, un point et un tueur. Un point froid et un sens incompris qu'au final, il n'est que simple spectateur. C'était Khalid El-Morabetti, point d'interro-exclamation, qui fait partie de la commission poésie de Nuit Debout. Et nous sommes avec Philippe Aigrin et Émilie Quinton, qui sont tous les deux poètes et qui font partie de cette commission poésie. Alors à côté, ils ont d'autres activités, peut-être, par exemple, prof de français voilà. Dans l'édition, et voilà, ou la quadrature du net, pour Philippe. Et donc, on vous accueille pour discuter de la commission poésie et que vous nous expliquiez un petit peu pourquoi une commission poésie. À quoi ça sert à Nuit Debout d'avoir une commission poésie? Alors d'abord, la commission poésie, elle a été créée par des gens qui ne se connaissaient pas entre eux et qui sont retrouvés autour de l'idée que c'était important qu'il y en ait une. Au début, il y avait, je crois, juste une petite pancarte avec écrit « Commission poésie » et sont regroupés quelques gens. Et il y a eu assez immédiatement un sentiment partagé que c'était important, pas seulement qu'il y ait un versant poétique de Nuit Debout, mais qu'il y ait de la poésie généralement dans Nuit Debout. Je pense que d'autres membres de la commission le diraient différemment de moi, mais en réalité, ça a à la fois un sens politique et un sens d'humanité partagée. Le sens politique, c'est que la poésie est au cœur de quelque chose qu'on a besoin de faire face au type de pouvoir dont on ressent l'oppression. C'est-à-dire des pouvoirs qui polluent la langue, qui utilisent des expressions comme employabilité, compétitivité des territoires, terrorisme, guerre au terrorisme. Qu'est-ce que la poésie peut nous permettre de rouvrir? En fait, c'est les possibles de la pensée. Et donc j'avais l'idée de vous lire pour ça une toute petite phrase qu'a écrit Jacques Roubaud dans ses carnets pour expliquer l'importance de la poésie, et où il disait parce qu'elle est dans le langage et seulement dans le langage, la poésie dit le monde des humains, parle pour chacun et pour tous, elle est la seule à le faire. Émilie, qu'est-ce que tu en penses de cette appropriation de la langue et de cette liberté que la langue peut permettre par la poésie aux gens? Je pense que c'est une nécessité absolue que la poésie soit à Nuit Debout et qu'elle soit partout, et que c'est peut-être que Nuit Debout est peut-être l'occasion que la poésie soit partout. Alors qu'elle est censée être quelque chose de peut-être de joli ou d'étudier justement en cours de français jusqu'à un certain âge, et qu'à partir d'un certain moment, en fait, elle sort du champ du champ visuel et du champ auditif aussi des personnes qui ne l'entendent plus, qui ne la voient plus et qu'elle soit reléguée à ce qui serait juste une espèce de truc un peu poétique, une poésie jolie, plutôt comme on disait tout à l'heure, réservée aux filles, une poésie amoureuse, musicale avec des rimes, etc. Un peu kitsch. Alors qu'il y a, ouais, un peu kitsch. Et qui, alors qu'en fait, il y a une vraie, enfin, il y a une poésie d'aujourd'hui qui n'est plus en vers, enfin, rimé, et même les vers rimés, enfin, je trouve qu'ils ont tout à fait leur place encore aujourd'hui. Mais c'est le moment de redonner au langage effectivement des forces vives, et la poésie, elle est là pour ça. Et donc pour reprendre effectivement. Ce que disait Philippe, il faut creuser le langage, et la poésie, elle est là pour creuser. Et ça aide aussi, donc creuser le langage, ça aide aussi à creuser la pensée, j'imagine. Enfin, oui. Ça aide à, voilà, à se trouver des appuis forts. Est-ce que tu peux nous lire un autre poème peut-être qui a été écrit à Nuit Debout? Oui. Je précise qu'il y a des poèmes de toutes sortes, on a choisi un peu comme on a pu. Il y en a qui parlent politique, il y en a qui parlent pas politique, il y en a qui parlent de Nuit Debout, d'autres pas du tout. Et voilà. Et là, on va écouter donc un poème de Pierre qu'il a écrit le 50 mars et qui s'intitule La Norme. La norme, elle est biaisée, mouvante, expansive aussi, il faut le savoir. Elle est interne et auto-convaincante. Elle est gratuite puisque tu la portes en toi. Elle est rassurante et te hante autant que tu la rejettes. Elle est maternante, la norme. Elle est fictive, surtout. Elle n'a pas de raison, la norme, mais elle l'est. C'est un fait. Et nous la prenons comme un mur. Et ce mur, on le peint pour qu'il nous paraisse moins gris. Mais c'est toujours un mur qui sera nettoyé. Merci beaucoup. Je crois que c'est assez clair, hein, c'est explicite. Est-ce que vous pouvez nous parler, pour combattre cette norme, comment vous faites concrètement sur la place entre vous? Donc, vous avez dit que c'est des personnes qui ne se connaissaient pas, qui sont d'âge différent, d'endroits différents. Comment vous faites concrètement? Quelles sont aussi peut-être les questions que vous rencontrez? En fait, il y a deux volets à l'activité de la commission poésie. Il y a un volet important qui se passe sur Internet à travers un site web qui est poésie debout en un mot sans accent.org. Et c'est un site où qui veut peut soumettre des poèmes. On a des règles d'acceptation très larges. On fait aussi un effort de présentation éditoriale de ces poèmes. En dehors, mais évidemment, ça, c'est pas un lieu de rencontre, c'est un lieu de diffusion. Donc en dehors de ça, il est très important qu'il y ait des moments de rencontre où chacun ne va pas venir à tous, chacun ne va pas rester même forcément toute la soirée, mais c'est des moments où, comme dans toutes les autres commissions de Nuit Debout, se constitue un collectif. Alors, ils sont de nature différente. Il y en a qui sont simplement des réunions de la commission poésie où on est assis en cercle, où on lit des poèmes qui ont été qui sont parus les derniers jours dans le site, on les écoute. Ça marche quand c'est dans l'après-midi ou le week-end, qu'il n'y a pas trop de bruit. Vous faites des retours entre vous sur vos poèmes, justement, sur ce que, comment dire, une exigence ou ce que vous entendez? Là, pour l'instant, ça n'a pas été tellement le cas, mais ça, je pense que ça va venir aussi à un moment donné. Là, c'est déjà l'occasion de faire entendre les textes qui sont diffusés sur Internet. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a peu de gens qui vont sur ce site de poésiedebout.org et qui lisent les textes. Donc, les moments où on se retrouve sur la place, c'est les moments où on lit ces textes et où on appelle les gens aussi à venir, et ce qui est le cas, de venir s'asseoir avec nous et de les déclamer. De les déclamer, de venir et de les écouter ou de les dire. On fait passer et puis Alors c'est pas toujours très évident parce qu'on découvre le texte et puis hop, on le lit. Mais et puis les gens viennent écouter. Enfin, ça, en général, ça, il y a du monde. Ça dépend des jours. Vous avez d'autres actions que vous auriez envie de développer, comme l'affichage? Alors oui, l'affichage, l'encollage de poèmes, soit rédigé par, par tout un chacun qui contribue justement au site, ou des textes aussi plus classiques sur le principe d'encollage militant, le soir, plusieurs, pour que tout le monde puisse lire dans l'espace public de la poésie, et puis phagocyter les textes et les images qui nous sont imposés en permanence dans l'espace public, dans le métro, dans les rues, sur les murs. Okay. En attendant qu'il soit repeint. Et alors si j'écris des poèmes, comment je fais, à qui j'envoie Alors il y a une adresse qui est tout simplement poèmes@poesiedebout.org et les poèmes, on se partage le travail. Un des aspects qui fonctionne vraiment remarquablement, c'est que on a un petit collectif qui s'occupe du site aussi bien de l'administration que de l'aspect éditorial et qui fonctionne, qui se répartit très harmonieusement les tâches. On tourne sur les jours, alors que c'est tous des gens qui se connaissent pas et qui n'avaient pas travaillé avant dans des situations similaires. Et ça, je crois que c'est pas propre à notre commission, mais c'est un des apports essentiels de Nuit Debout, c'est de montrer ce que la collaboration un peu volontaire entre les gens est capable de produire. Et si vous regardez le site, vous verrez, bon, il a l'air tout à fait d'un site d'un site communautaire de qualité. D'accord. Et en même temps, on a besoin qu'il y ait des gens, enfin, on a envie surtout qu'il y ait de plus en plus de gens qui viennent participer à cette commission, que ce soit de manière occasionnelle ou qui viennent s'engager aussi. C'est-à-dire que, par exemple, typiquement pour coller des textes, il faut du monde et il faut qu'on soit des équipes. Et puis il y a 5 ou 6, en fait, on ne peut pas faire tourner une commission. Et c'est quand vos commissions ? Alors là, par exemple, on se réunit dimanche à 16h sur la place. Et puis on fixe ça au fur et à mesure, en fonction des gens qui sont là, et on se met d'accord pour savoir quand est-ce qu'on est disponible. Et il y a aussi un mail, je crois, tous@poesiedebout.org. C'est plus ça maintenant. Il y a 2 listes en fait auxquelles on peut s'abonner. Il y en a une qui s'appelle Information. Tout est expliqué sur le site. Il y en a une qui s'appelle Information, c'est juste pour recevoir l'info. Et il y en a une autre qui s'appelle Action, c'est pour préparer des actions comme par exemple les encollages. On va terminer donc sur un dernier poème avant de rendre l'antenne pour l'AG. Voilà, alors toi, Philippe. C'est un poème qui a été écrit par Daria, qui est une jeune fille d'origine iranienne. Et dans le poème, il y a des influences de la poésie de son pays. Où vas-tu donc ce soir ? Je sors danser un peu. N'entends-tu pas les fleurs ? Elles chantent pour les hommes, des airs goûts, des gais, des airs doux, et leur disent « Venez là, petits et grands soldats, petites et grandes guerrières. » Venez les pécheresses et les filles de prêtres, venez fils du bitume et enfants des palais, venez danser ce soir, venez nous saluer. Pars tôt et reviens vite. Mais qui te dit que je rentre? Qui te dit que ce soir nous n'allons pas rester à compter les étoiles, à dessiner des fées, à inventer un monde et puis à l'effacer? Qui pourra bien nous dire quand il faudra rentrer? Alors tu reviens plus? Je reviendrai un jour, quand la terre que l'on foule ne sera plus béton, quand tout ce que l'on touchera sera fait de blé blond, quand les géants des sables ne pourront plus hurler. Peut-être, ce jour-là, peut-être je reviendrai. Radio Debout, si tu ne sais pas pourquoi tu l'écoutes, on sait pourquoi on le fait. Donc il faut qu'on apprenne à se réorganiser. Donc je pense vraiment que la démocratie, c'est une question d'auto-organisation à l'échelle locale. Avant l'État, c'est se réorganiser à l'échelle locale. Et au-delà de ça, la démocratie, c'est une question d'implication. C'est-à-dire qu'on veut tous la démocratie, ça c'est, on est tous d'accord. Mais en fait, la question, c'est parmi nous, qui s'implique pour la mettre en place, cette démocratie? Et c'est vraiment la question de l'implication. Et je pense que pour l'instant, malheureusement, on reste encore, je ne dis pas les gens qui sont ici, mais je pense qu'il y a une grosse partie de la société qui veut la démocratie, mais qui ne s'implique pas. Et comment est-ce qu'on fait pour impliquer les gens dans ce processus démocratique ? Voilà, c'est la vraie question. Je pense que vraiment, Nuit Debout, la principale vertu de Nuit Debout, c'est de se redonner une certaine confiance. Le début de l'implication, c'est de se redonner confiance. On est tellement divisé, on est tellement individué qu'on ne sait plus faire. Mais la vertu de Nuit Debout, c'est déjà de se dire qu'on est là, on discute autour de thèmes en commun, et c'est le début de quelque chose. On est encore loin de l'aboutissement, mais il faut vraiment qu'on se redonne la confiance. Et cette confiance, elle naît de là, des discussions sur la place, qui parfois sont intéressantes, parfois sont infertiles. Mais elle naît de ça, elle naît des actions. Et c'est, là, c'est de tout ça qu'on va se dire, ok, le mec qui est à côté de moi, je peux lui faire confiance. Celui-là, je ne peux pas lui faire confiance, etc. Et qu'on va se dire, ok, avec lui, je peux construire, avec lui, je ne peux pas construire. Mais c'est vraiment l'idée de ce Nuit Debout, ça doit servir à ça. Ça doit servir à se dire, ok, les mecs qui sont là, je peux construire avec eux, je peux leur faire confiance. Et avec eux, peut-être que je pourrais bâtir la démocratie de demain. Donc voilà. Donc faisons-nous confiance, soyons positifs et essayons de dépasser les contradictions pour aller vers quelque chose de demain positif. On n'est pas tous d'accord. La question des casseurs, par exemple, c'est un gros débat. Les casseurs, moi, je ne les soutiens pas forcément. Je n'ai pas forcément envie de casser les choses avec eux. Mais en même temps, je n'ai pas envie de les lâcher. C'est-à-dire qu'en manif, quand il y a des mecs qui commencent à péter les banques, bah, je dis, ok, c'est leur choix. Moi, je ne les lâche pas face aux flics. Et c'est juste un truc tout con. C'est qu'en manif, par exemple, on a beau ne pas être d'accord avec les casseurs, on n'a pas à les lâcher. Et s'ils cassent les banques, on reste à côté. On chante des slogans, on les couvre. Parce que les banques, c'est nos ennemis. Quoi qu'il en soit, on n'a pas forcément envie de péter les banques, parce que parfois on a peur, parce que parfois on n'a pas envie d'être violent, mais on n'est pas pour autant, il ne faut pas pour autant lâcher les gens. Donc voilà, je pense que vraiment c'est la question de l'union et de se faire confiance. On n'ose pas encore se faire confiance, mais il faut qu'on se fasse confiance. Nuit Debout, c'est là pour ça, c'est là pour se donner la confiance. Il ne faut pas qu'on lâche les gens qui sont dans les luttes radicales. On peut être pacifiste, mais il ne faut pas qu'on lâche les gens qui sont dans les luttes radicales, parce que c'est dans cet ensemble qu'on va réussir à bouger les lignes et à déstabiliser ceux qui essaient de nous faire peur. Et peut-être qu'un jour, que ceux qui essaient de nous faire peur et qui y arrivent en partie, on arrivera aussi à leur faire peur. Et leur faire peur, c'est quand même le but initial de Nuit Debout. Il faut réussir à leur faire peur. Quand on arrivera à leur faire peur, peut-être qu'on arrivera à arriver vers une démocratie un petit peu plus aboutie que ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Radio Debout, les gens debout, Radio Debout. De retour sur le plateau de Radio Debout, on va clore l'antenne avec Luc Lawson. Alors Luc Lawson, qui es-tu ? Alors en vrai, je m'appelle Samuel, mais Luc Lawson, c'est mon nom de scène. Et donc j'ai fait une chanson anti-Monsanto que j'ai enregistrée avec mon ordinateur. Et donc je suis allé voir l'Assemblée Générale de Nuit Debout pour leur demander de m'aider à chanter le refrain. Donc là, ce que vous allez entendre, ce sera moi qui joue de la guitare, moi qui chante, mon ordinateur qui fait la musique derrière et l'assemblée de Nuit Debout qui a été enregistrée il y a quelques semaines de cela. Alors on est parti, on lance la musique et c'est à toi. Tes pesticides, tes désherbants, tes terres stériles, tes champs mourants. Oui, mais ces graines prodigieuses te tromperont, ne les crois pas. Les plantes qui en sortiront ne fructifieront pas deux fois. Ils t'en revendront tous les ans, et même si tu n'en veux pas, tes pauvres terres en souffriront et plus rien d'autre n'y vivra. Monsanto, on veut pas tes poireaux, je ne veux plus tes aliments qui pourrissent mon environnement. Et Monsanto, ravale tes artichauts, tes pesticides, tes désherbants, tes terres stériles, tes champs mourants. gâteau, on veut pas tes poireaux. Je ne veux plus tes aliments qui pourrissent mon environnement et mon santo. Ravale tes artichauts, tes pesticides, tes désherbants, tes terres stériles, tes champs mourants. Se réveillera de cette aveugle tragédie. Quand le vivant face au profit aura enfin repris ses droits, alors l'humain se lèvera, rempli d'espoir et d'énergie, armé de choux et de radis, et tout le monde chantera. Monsanto, on veut pas tes poireaux, je ne veux plus tes aliments qui pourrissent mon environnement. Monsanto, ravale tes artichauts, tes pesticides, tes désherbants, tes terres stériles, tes champs mourants. Et Monsanto, on veut pas tes poireaux, je ne veux plus tes aliments qui pourrissent mon environnement. Monsanto, ravale tes artichauts, tes pesticides, tes désherbants, tes terres stériles, tes champs mourants. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont entendu parler de Monsanto? Alors là, vous voyez, j'ai un petit enregistreur là qui vous a envie de s'écrier. Et en fait, je suis en train d'écrire une chanson contre Monsanto. Merci, merci, merci beaucoup Luc Lawson, Samuel et... T'en as une autre ? T'en as une autre ? Allez, c'est parti, okay. Tant qu'on nous coupe pas l'électricité, c'est parti. Du coup, je vais en faire une qui est sur la télé, que j'ai pas beaucoup travaillé, mais c'est pas grave. Alors attends. Du coup, ça fait comme ça. Ok. Ok. Attends, merde, je me rappelle plus. C'est con. Ah, ok. Un soir, je me suis décidé. J'ai arrêté toute activité. Je me suis assis, je l'ai allumé. Et je me suis mis à la regarder. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que tous ces tarés? Ces arriérés, ces gens refaits, ces formatés, ces gens parfaits, tous ces rapaces, tous dégueulasses, modèles ratés des Français! Éteignez vos télés, vos cerveaux sont contrôlés. Privilégiez la création à l'automanipulation. Éteignez vos télés avant que votre cerveau ne soit bouffé. Ils vous enferment dans une prison qui vous changera tous en mouton. Premier programme télévisé. Mais qu'est-ce que j'ai pu m'ennuyer? Un jeu vulgaire où de pauvres paumés se ridiculisaient pour gagner. Vient ensuite la publicité. Mais quel malheur, mais quelle horreur. Les tromperies, les loteries, ne vieillis pas, soigne-toi bien. Sois la meilleure femme au foyer, nourris ton gosse, crée des besoins. Éteignez vos télés, vos cerveaux sont contrôlés. Privilégiez la création à l'automanipulation. Éteignez vos télés avant que votre cerveau ne soit bouffé. Ils vous enferment dans une prison qui vous changera tous en moutons. On cherche continuellement un programme plus excitant. Une fois les 25 chaînes passées, on ne peut que recommencer. Ces têtes immondes étaient effarées de voir tant de stupidité. Mais non, je n'ai pas pu m'arrêter de zapper toute la soirée. Éteignez vos télés, vos cerveaux sont contrôlés. Privilégiez la création à l'automanipulation. Éteignez vos télés avant que votre cerveau ne soit bouffé. On vous enferme dans une prison qui vous changera tous en mouton. Éteignez vos télés, vos cerveaux sont contrôlés. Privilégiez la création à l'automanipulation. Éteignez vos télés avant que votre cerveau ne soit bouffé. Ils vous enferment dans une prison qui vous changera tous en mouton. À demain sur Radio Debout. Bonne nuit.